Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oui. Oh la vache. J'ai essayé un truc, ça va pas marcher, je crois. Mais enfin, mais ça va pas ou quoi? T'es un malade ou quoi? J'ai le droit d'être courte manche ou c'est... Non, pas courte manche. Michael Winslow de Police Academy. Ah oui, ou pas? Non, j'avais plus ouais, courte manche. Oh, un avion. Ouais, mais Michael Winslow, il fait plus des effets. Mais lui, sans verre. Donc moi, j'ai triché. Comment ça va, Adrien? Oui, ça va. Ça va. Tu étais en avant-première hier. J'étais en avant-première hier à Bordeaux. Ça s'est très bien passé. C'était cool. On m'a offert. Dis-moi. Déjà des portraits de ma chienne. Donc ça, c'est toujours un banger pour moi. Pas mal. Et une petite peluche de The Mandalorian en crochet fait main. Incroyable. Non mais c'est vraiment donc incroyable. Ça, t'es un Star Wars addict quoi, on peut le dire. Je suis un fou de Star Wars. Fou de Star Wars. Non mais c'est vraiment, les gens étaient adorables. Et t'as kiffé Bordeaux parce que souvent quand il va en avant-première, Adrien il se prend des tickets de métro bien sûr. Ouais. Non, des billets de train larges pour profiter de la ville. J'ai demandé d'être un peu en avance. Bon, il faisait pas beau et j'étais épuisé de fatigue aussi en arrivant donc. Mais j'ai quand même profité un peu de Bordeaux, c'était chouette. Pour Angers et compagnie, c'est ça? Absolument. Pour trop bien. Angers compagnie. Ouais. Ah, donc c'est pour ça que tu nous as planté hier avant. C'est ça. J'aurais aimé. C'est bien ce que je pensais. Trop bien. Et ça s'est bien passé, bien un bon accueil. Bien, très bien. Ouais, les gens ont vraiment kiffé le film, c'était trop chouette. Et le concept est très cool. En tout cas, de la bande-annonce, j'ai vu que ça, moi, j'ai trouvé le concept pas mal. À la fin, on a fait un question. Pardon, vas-y. C'est tiré d'un truc qu'il avait déjà fait. Une histoire vraie. Non, tout est original. Ok. Juste, après, on passe à autre chose, mais on a fait un question-réponse. Et il y a une dame qui a dit: alors moi je suis venu parce que je t'ai invité avec la carte UGC illimitée. Je vous avoue que en voyant la bande annonce je m'attendais à voir une bouse. Et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé hein. Mais bon voilà, si je peux vous dire, la bande annonce vraiment c'est de la bouse. Et t'étais genre donc j'ai dit écoute, si t'as une machine à voyager dans le temps et tu peux refaire la bande annonce. Et elle a découvert Méniel. Elle a pas perdu sa soirée. Ouais. Et c'était pas une question aussi, ce qui est toujours énervant quand... Oui. Et ils aiment bien dire quand c'est une affirmation. Ouais, voilà. Et vous avez pas eu ça? Moi j'avais eu ça aussi. Je m'attendais à un truc pas si bien. Et c'était bien, donc c'est cool. Moi, nous l'avait fait aussi. Non, les gens s'attendaient à un banger tout de suite. Nous deux. Non, on n'a même pas eu les gens. Ils nous ont pas parlé. Oui, d'accord. Okay. C'est juste, on a eu des bons retours et on se dit tout le temps. Bon, quand est-ce que ça va arriver les insultes? Ah, bon, t'inquiète. Ça pour l'instant, ça va. Si, il y en a sur Sens Critique qui sont, c'est des très bonnes notes et tout, mais il y a quand même des mets. Et des mets où tu dis Et oui, il y a forcément des petits mets. Mais attendez, on n'a même pas présenté. Mais Florent qui parle, en fait. Mais oui, c'est pas écrit dans le titre. Non, mais c'est réglé comme du papier à musique. Notre premier invité est auteur de best-sellers comme L'amour c'est surcoté ou Les meufs c'est des mecs bien. Alors tu sais ce qui sort en premier mot de la recherche Google quand tu tapes Ron Winter? Non, Les meufs c'est des mecs bien. Tu tapes Les meufs c'est des mecs bien, juste le truc d'après. Tu crois que c'est quoi qui sort sur Google? Avis? Non, pas avis. Bolloré. Non. PDF gratuit. Ouais, mais c'est ça où tu vois que t'as percé. Il adapte lui-même son premier roman au cinéma avec Hakim Jemili, Laura Felpin et Benjamin Tranier, entre autres. C'est Mourad Winter. Ouais. Comment ça va, Mourad? Ah, merveille. Vraiment très content d'être là. Je suis pas dans une safe place. C'est pas moi qui ai fait le. Je connais pas le vrai terme. C'est un personnage, Benjamin. Tu sors de ton rôle là. Sors de Polo, t'es plus dans le film. Sartek, Benjamin. Merci. Notre deuxième invité est un habitué de la maison, évidemment. Il joue les dernières dates de son spectacle. Félicitations et tout et tout. Alors, c'est complet à l'Olympia. Tout à fait. Oh là là, pas mal. C'est complet dans pas mal de villes, mais en revanche, il reste quelques places à des villes comme Lagny-sur-Marne, bien sûr. Gravezon, Vergèze. Comme Gilles Verdez, alors, bien sûr. Et Palavas les Flots pour le grand final. Bien sûr. Comme les plus grands. Palavas. Vous avez fait exprès ou pas? Non. Non. Absolument pas. Mais tout le monde finit à Palavas. Ouais, je crois. Non. Sa vie, mais pas sa. Dans L'amour, c'est surcoté. Il incarne le personnage le plus raciste de l'histoire du cinéma depuis le héros de La Chute. C'est Benjamin Tranier. Comment ça va, Benjamin? Ça va et vous? Ça va, trop quel sympa, plaisir. Merci de nous avoir invités. Mais ça fait trop bien, surtout pour ce film que moi j'ai eu la chance de voir à l'Alpe d'Huez. C'était très émouvant d'ailleurs d'assister à ça. Mais oui, on l'a vu dans tes yeux. Mais oui, c'était super émouvant parce que bah, on l'avait un peu vécu nous aussi quand, la première fois. Comme nous, en fait, vous avez présenté le film pour la première fois au festival. Exactement. Et c'était trop bien de le vivre de l'extérieur parce que moi j'avais rien à y foutre là-bas. Et de vous voir. Oui, là, cette fois-là. Non, oui. Je crois que tu parlais quand t'as présenté de ma carrière en général. Un gros échec, hein, de toute façon. Et non, de vous voir kiffer et tout, c'était très émouvant et j'étais trop content pour vous. Et le film est super drôle, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais avant toute chose, oui, bah, le jeu du floodcast, allez, bah, allez, c'est bien évidemment. Je m'étonne en fait. Savez-vous ce qu'est le phénomène, on commence peut-être un peu facile, du chicken jockey? C'est une trend TikTok, ça, encore? Alors c'est une trend TikTok, entre autres. Est-ce que c'est un rapport... Mais je vois que t'es dans le coup. Un petit peu. Je varie les plaisirs. T'as pas eu des propositions... Ah ouais, c'est ce que j'allais te demander. T'as pas eu des propositions un peu trend pour l'amour, c'est sur côté? Je réponds pas aux mails. Ouais, non, mais moi, les trucs TikTok, j'ai lâché l'affaire. Mais faut vraiment pas essayer, je crois. Mais a priori, ça marche, hein. Mais même pour les ventes de bouquins, à ce qui paraît, ça marche. Mais j'ai pas... Il y a un truc que j'ai l'impression de... Eh, salut, Jones. Casquette à l'envers, ça va, yo-yo. Et je crois que quand tu forces, ça apprend pas, quoi. Faut Alors tu deviens même parce que les jeunes se foutent de ta gueule, mais c'était pas l'intention de départ, quoi. Ça, c'est ce qui nous arrivera. Hein. Ça nous arrive. Moi, ça m'arrive déjà. Je le sens. Ça m'est déjà arrivé. Hein, c'est juste que je vais pas voir. Alors, là, c'est le chicken jockey. Est-ce chicken. Que c'est un rapport avec les poulets en plastique qui font quand tu vois les trucs, c'est ça? C'est bien. Un rapport avec ça. Ce n'est pas ça. Ok. Ce n'est pas ça. Mais si on pouvait remplacer le cri de tous les poulets par ça, ce serait mon rêve. Il y a un rapport avec l'animal. Alors, en vivant ou pas? Oui. Pas vivant. Ah, mais genre, on lui coupe la tête et on voit comment il marche. Alors, non, c'est pas. Vous avez jamais fait ça? Non, ouais, mais c'est pas lundi, trop lundi dernier. Parle de ton enfance, Benjamin. Le côté jockey. Non, parce que quand je réponds à ta question, c'est pas qu'il est pas vivant, genre, il est mort. Chicken nugget, il est cuisiné. Non, c'est qu'il n'est pas vraiment dans la vraie vie. C'est un. C'est Chicken Run, le film? C'est pas Chicken. C'est une sorte de Tamagotchi, un truc comme ça? Pas une sorte de Tamagotchi, mais on s'approche. Une peluche? Pas une peluche, on est plutôt dans le monde vidéoludique virtuel. Attends, chicken. Chicken jockey. Mais attends, c'est un jeu vidéo donc? Oui. Okay. Mais pas que. Et le jeu vidéo s'appelle Chicken Jockey? Non. Le jeu vidéo est plus connu que ça. Ah, c'est Fortnite? Non. Je crois Minecraft. Que c'est plus connu. Minecraft. Waouh. Wow. Vous l'avez plus ou moins. Attends, parce que dans le film. Dans les films, il y a des Il y a un truc où il va combattre et tout contre un poulet. Et en fait, paf, il y a le petit zombie sur son dos et après. Exactement, il le chicken jockey, c'est ça. C'est le petit zombie à deux poulets. Je l'ai pas vu, non, j'ai vu un extrait. Et pourquoi ils foutent le bordel dans les salles? Et ben voilà, c'est ce que je vais t'expliquer. C'est ça qui arrive en fait en ce moment. C'est une scène du long métrage Minecraft. Une séquence dans laquelle un bébé zombie chevauche un poulet. Tout à fait, Adrien. C'est un bon film. Désormais devenu culte. J'ai envie, un peu envie de le voir. Mais il est très mal noté. Ouais, ouais. Mais ouais, ça, c'est fou. C'est un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. Genre, il a fait un meilleur démarrage que Barbie. Mais par contre, il se fait défoncer. Et vous allez voir, ça se relie un petit peu. Ou avec chicken la jockey. Traîne du chicken jockey. Oui, mais est-ce que c'est pas des gros geeks de merde qui disent c'est pas du tout fidèle au jeu? Ouais. Alors, en fait, parce que déjà, c'est un film pour enfants déjà. Il y a forcément un peu de ça. Oui. Car il y a toujours un peu de ça. Également, il y a une femme. Donc, désormais devenu culte et viral, allant jusqu'à faire réagir d'autres marques telles que McDo ou Walmart, la scène du chicken jockey présente le héros du film qui hurle chicken jockey devant le zombie avant de se faire foncer dessus par l'animal et son hôte. La scène a rapidement fait le tour des réseaux et pour une raison étrange est devenue très attendue par certains spectateurs au cinéma qui hurlent chicken jockey lorsque la scène apparaît à l'écran. Ah putain, jockey, je viens de comprendre qu'un jockey. Ouais. Je crois que c'était jockey comme une blague. Ouais, joke, en fait, je trouve que je prononce pas assez bien l'anglais. Non, je sais que c'est jockey. C'est un truc un peu à Michael. Ça aurait pu s'arrêter là, mais les scènes filmées dans un cinéma montrent des spectateurs qui non seulement hurlent dans la salle, mais aussi jettent du popcorn partout. Oh, une des vidéos montre même un spectateur et en est d'autres. Tu peux me battre. Ouais. Ah oui, mais attends. Est-ce que tu peux te battre contre quelqu'un qui aurait ramené dans une valise un véritable poulet et l'a jeté en l'air pendant la scène? Ah oui, lui c'est prise du sommeil tout de suite. Ouais, bien sûr. Ouais. Prise du quoi? Du sommeil. Du sommeil. Quel ref. Alors que certains cinémas abordent maintenant une affiche qui demande à ne pas jeter le popcorn ou de boisson dans la salle lors de la fameuse scène, la police est parfois intervenue pour déloger certaines personnes un peu trop enthousiastes. Il y a même maintenant devant le film une petite vidéo qui dit: bon, alors il y aura la scène du chicken jockey, mais pas bon, jetez pas des trucs, respectez les gens qui travaillent au cinéma. Je rêve qu'ils coupent la scène sans leur dire. Ouais. Ils peuvent devenir fous. Vraiment. Et en fait, ça c'est parce que c'est TikTok en vérité. C'est parce que les gens se filment. Ils veulent que pendant. C'est TikTok. En ça, fait, c'est TikTok, ouais, c'est TikTok ça. Non mais parce que leur nos pros. C'est... Et donc ça c'est leur fameux truc. On marche sur la tête. On marche sur la tête, Adrien. Non et donc en gros ils se filment et l'idée c'est de faire le plus gros bordel au cinéma pendant cette scène. Le gros bordel internet. Hein? plus gros bordel internet. Peut-être le plus gros bordel internet depuis Kikon. Je sais pas si vous avez l'air. Vous aviez pas? Non, non, je l'ai pas. C'était mais à l'époque, ça avait l'air bien. Je vais vous expliquer. C'est à l'époque de Golden Moustache, Kev Adams avait lancé sa chaîne de sketch sur internet. Et il l'avait annoncé comme le plus gros bordel internet à l'époque. Ce qui ne veut rien dire. Et en fait, ça nous tuait de rire parce que le plus gros bordel internet, c'est... enfin, internet n'est pas un adjectif. Oui, il avait dit d'internet. Voilà. Et quand le gros bordel internet. C'est le gros bordel internet. Et quand tu regardes la balance, c'est un concentré des années 2010. Ouais, c'est parce qu'il y a de la dubstep, il y a des meufs qui se roulent des pelles, il y a une poule, justement, une ah, poule oui qui est jetée. Ouais, ouais, au... c'est vrai. Voilà, et c'est wow vraiment le. Ouais. Parce que c'est toujours le truc de. Où met le bordel, c'est. Il y a des animaux, tu sais. Et une personne de petite taille. Et en beat. Ouais, il a le déguisement et il y a un nain qui court. Super, yes. C'est trop bien. Soirée vidéo. Ouais, c'est ouais, trop bien cette soirée. C'est génial. Quel est, autour de la table, chacun, votre meilleur souvenir de cinéma? Une wow séance que vous avez kiffé et où, pas forcément où c'était le plus gros bordel cinéma, du coup. Ouais. Mais juste une séance que vous avez kiffé, un bon souvenir. Outre l'amour, c'est surcoté, j'imagine. Bien, ah, bah ouais, nous on a ce truc de l'Alpe d'Huez. Tu t'attendais à ce point, en vérité? D'être ému, de les rires. Non, comment tu l'as vécu ce truc en vrai? Archi pas, parce qu'en fait, moi j'ai beaucoup de recul sur mon taf. Hein. Ouais. Quand quelqu'un me dit c'est bien, à chaque fois j'ai l'impression de foutre ma gueule. Okay. Ouais, moi c'est parce que je me fous de la gueule des gens, je fais souvent ouais, c'est bien, en fait c'est de la merde. non, je m'attendais pas à ça, et puis en fait quand ça te le prend dans la gueule, c'est ouf, hein. T'es hyper content et tu fais ah ouais, en fait c'est trop bien, notre métier il est trop bien. Benjamin? Putain, je crois, après c'est très axé sur l'enfance et cool quoi. Bien sûr. Le premier, mais je crois que je vous l'avais déjà quand dit. Quand il y a eu un cinéma dans la ville, quoi, j'imagine. Déjà... mais c'était un camion roulant, il y avait une séance par. C'était un par van mois avec un mec qui disait il y a des films, viens. Et c'était un vidéoclub. Et il y avait eu, tu sais, le dernier film de Michel Muller qui a pas du tout marché. Ah oui, la vie de Michel Muller est meilleure que la vôtre. Il faisait la tournée des petites salles pour essayer de faire des entrées en fait. Ouais. Et donc il était annoncé, donc on y était allé avec ma famille. Et le pendant le film, je crois que c'était encore Bobine à l'époque, ouais, ça s'arrête quoi. Ouais. Donc nous on se dit déjà que c'est un ovni le film, et on se dit c'est une bizarre comme fin. Ouais. Et il arrive tout penaud, il dit ouais bon, il y a eu un problème avec la pellicule, donc voilà, vous avez pas la fin, je peux vous la raconter. C'était d'une tristesse. Et il a raconté qu'il était... la fin du film. Il nous a raconté la fin de son film. Et c'était genre long ou genre il a un pitché peu. Oh non, ouais, c'est ça tu le pire, sais, tu à faire les répliques et tout, tu fais oh là là. Ah, là, là, là, là, là. Ouais, c'était un peu pénible. Et putain, à la fin du fin, il reste un peu pour parler avec les gens, mais on était je pense 20 dans la salle, tu vois. Et c'est un moins bon souvenir, mais je me suis dit ah c'est un peu une star, donc je vais lui voir, je dis ouais j'aimerais trop faire ce métier, comment on fait? Il m'a dit il y a que Jamel Debbouze qui peut, personne peut battre Jamel Debbouze, il faut être un nouveau Jamel Debbouze et tout. Ah bon bah d'accord. Et je suis allé voir sa femme qui était trop gentille, elle fait non mais il est pas dans un bon jour là, laisse tomber, c'est pas grave, lâche pas ton rêve machin et tout. Donc c'était un bon souvenir et un peu un souvenir. Et après pendant deux ans t'as mis des vestes en jean, t'as dit, bah, apparemment faut être Jamel Debbouze. Il a dit mesdames et mesdames. M&M, ça à chaque fois. Bon, moi je vais faire les Kit Kat. Donc un bon souvenir, mais parce ouais, qu'un peu première fou star à la, bah ouais, qui était venue à Coulombe pour présenter son film, mais un peu où je me suis dit ah mince, j'espère, enfin s'il est pas, il était pas bien luné, donc c'était un peu dur. Pardon. Toi Adrien? Non mais moi c'est un peu nul. C'est mais tout le monde a des réponses qui commencent par. Non mais moi c'est vraiment juste, j'étais, c'était il y a longtemps, j'étais encore avec mon ex, on habitait dans le 13e et on avait voulu aller au cinéma et on savait, et je regarde ce qu'il y a à l'affiche, il y avait Little Miss Sunshine, mais je savais pas du tout ce que c'était le film, mm-hmm, et j'avais juste vu, je crois en train sur Reddit, vraiment un commentaire d'un gars qui avait dit ah je suis allé voir Little Miss Sunshine, c'était bien et tout, et je lui dis ah bah vas-y viens on va voir ça, mais vraiment j'y vais ouais, sans savoir ce que savoir, c'est. Ouais. Et bah moi j'ai adoré ce film, bien c'est sûr, un de mes films préférés. Ouais. Et vraiment, j'ai pas souvenir d'avoir fait une aussi bonne séance de cinéma, parce que surprise totale, ouais, en plus de kiffer le rire film, et à la fin, tu pleures, tu rigoles ouais, en ouais, même temps. Et je me souviens en plus du. Parce qu'on était allé bah, au MK2 bibliothèque, mm-hmm, et du coup on était rentré à pied, et même le chemin du retour, l'état dans lequel j'étais. de genre, je crois que c'était un peu genre coucher de soleil, c'était magnifique. L'été et tout. C'est le meilleur moment, on marchait et tout, et j'étais genre putain, c'est. Je me sens trop bien quoi. Ouais. Et depuis, je me suis plus jamais senti bien. Donc, pour ça, je me rappelle. Non, mais je me souviens de ce truc de flottement un peu, genre, waouh, mais attends, qu'est-ce qui vient de m'arriver quoi. Mais c'est toute l'ambiance autour d'une bonne séance, c'est ça. Moi, je me souviens presque autant des McDo en famille après les films c'est ça, en fait. Que le film lui-même quoi. Bien sûr, c'est tout le truc qui. Mais je pense que MK2 aussi, il y a un environnement. Ouais, moi j'adore. Les tours, c'est dégagé. C'est magnifique. Je trouve ça magnifique. C'est le. Tu vois, au milieu de la bibliothèque, il y a. L'espèce de. Là où de tu jardin. Dis qu'il va y avoir un dinosaure. Un dinosaure, ouais. Exactement. Bien sûr. On s'attend à ce qu'il y ait un vélociraptor. On est comme as. Et une meilleure comédie romantique, vu qu'on vient quand même pour la lancer sur côté. Toi, je sais que c'est Polly et moi. Moi, j'aime beaucoup Polly et moi. Ouais, bonne rêve. Qui est pas toujours citée, quoi. Bon. Mais je trouve que elle est. Moi, elle. Coup de foudre à Notting Hill, moi. Ah ouais. J'adore le colloque, quoi, qui est un peu. Bien sûr. Bah, moi, c'est aussi pour Philip Seymour Hoffman dans. Bien sûr. Moi, ouais, qui est extraordinaire. Comme toujours. C'est vrai que vous êtes un peu dans la grande transition. Transition. Le grand emplacement, c'est ça que tu veux dire. Je suis content qu'on y vienne au bout de 17 minutes. La grande tradition, pardon, du second rôle très border et très marrant. Il y a aussi ça dans l'avance saison. Ouais, c'est ça qui est drôle. Bah, en fait, l'avantage avec le second rôle, c'est que tu peux tout lui mettre. Ouais. Un premier rôle qui est raciste. Oui. Même si c'est du second degré, c'est toujours un peu compliqué. Tu fais 7 millions d'entrées seulement. le sidekick, tu peux lui mettre plein de trucs sur la gueule. Quoi. C'est plus facile. Toi, t'as des références de comédie romantique? Moi, Happiness Therapy. Ah oui, ah, bien sûr. Therapy, je le trouve génial. Tu l'as jamais vu? Je pense que ça peut être ta cam. Ok. Avec avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. Bradley Cooper. Ah ouais, je pense. C'est quoi, tente-le? Un autre à chaque fois. De Paul Thomas Anderson. Il y a Punch Drunk Love. Ah oui, ouais, aussi. Ouais. Mais dans l'image, il y a un peu. C'était qui ton le directeur photo? C'est. Moi, c'est André Chemetov. Très très belle image dans ce côté. Et il y a un côté un peu. Vraiment un nom de directeur photo. Ah bah. De ouf, fait la dégaine. Enfin, il y a tout. Il est vraiment dedans. Mais il y a un peu cette ambiance. Un peu ouais, complètement. Trouve, nous, ce qu'on voulait, on voulait faire une belle comédie. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est chef d'œuvre. Punch Drunk Love, c'est un de mes films préférés. Ouais, j'ai adoré. Magnifique. Pareil, magnifique. Quand je l'ai vu, je m'attendais à rien. J'étais genre, waouh, trop bien. En plus, quand tu l'as fait ciné ou. Ouais, ciné, ouais. Ah oui, d'accord. Moi, je l'ai vu, pour le coup, je l'ai vu à la télé. Et en plus, je trouve que c'est le vrai premier Adam Sandler surprenant, quoi. Parce qu'après, il y a eu Uncut Gems ou Funny People, mais celui-là, c'était le premier où vraiment, on ne savait pas qu'il savait faire ça, quoi. Et. Encore une fois, Philip Seymour Hoffman dedans. Bien sûr. Qui est très marrant d'ailleurs dedans. Bah, qui est le méchant un peu, mais qui est très marrant. Ouais, mais il est. Ouais. C'est ouf. Ouais. Le Matchless Man. Magnifique. Alors, j'ai une autre question pour vous. Mais une rencontre de foot amateur n'a pas pu se tenir en Allemagne. À votre avis, pour quelle raison? Les prières de rue. Allez. J'ai bien aimé ce petit aller derrière. Allez, question suivante. C'est une très bonne réponse. Alors, une question, est-ce que vous faites des prières dans la rue? J'ai horreur de ça. est-ce qu'on est sur un état de santé? On est sur un état de santé, très bonne question. Ça, une équipe n'a pas joué, c'est ça? Le match ne s'est pas tenu. Bon, complètement. Je vais y aller. Vas-y. Un rapport avec la chiasse? Non. Ah, je suis un peu déçu. On est presque déçu, c'est la fin de ce podcast. Il y a eu une intoxication, il y a eu un. Est-ce que ça a touché toute une équipe ou juste un joueur? Ah, ou quelques joueurs. Ni le public. Ni l'équipe, ni le joueur. C'est l'arbitre. Ni le public. L'arbitre. Ça concerne l'arbitre. Ça concerne l'arbitre. L'arbitre, il s'est mangé un truc dans la gueule. On n'est pas loin. Frappé par la foudre. C'est ton album, ça, de rap. Non, mais il y avait eu un match comme ça, je crois. Il y a même des images sur internet. Ah ouais, c'est un match en Afrique, je crois. Enfin, c'est en altitude sur une montagne. Et pendant le match, il y a la faute qui tombe sur le terrain. Il y a trois joueurs qui font bam. Alors non, là, c'est moins glorieux. Alors, il s'est pas pris un truc dans la gueule. Ça va peut-être être difficile à trouver. Je vous laisse un peu mariner. Attends. C'est en allant au stade, il lui arrivait quelque chose. C'est lui arrivé sur le terrain, mais pas pendant le match. Ah, donc à la mi-temps. Ouais, ou alors ça dit pas exactement, mais c'est, il s'est pas pris un ballon dans la gueule. Ah c'est ouais, donc c'est pendant qu'il s'échauffe, il se prend une balle. C'est au début. C'est pas un ballon, c'est pas un ballon. Non, mais une balle genre. Ah, une balle. Ouais. Ah, désolé. Non, il s'est pas pris ça, une balle. Ça, c'est à la on fin est dans du le match. Nord Kivu là. À ce moment-là. Mais tu dis, il s'est pas pris quelque chose dans la gueule. Non. Est-ce que l'Allemagne peut nous aider? L'Allemagne n'a rien à voir avec cette histoire. Ok. Et je te laisserai juger. Un animal, il se prend, il se fait percuter par un goéland. Tu dis que c'est un truc de santé, quoi. Bah c'est un. Ah, il est tombé dans ah, les pommes. Ah, il était pas. Ah oui. Un truc un peu violent, c'est pas une maladie quoi. Ah d'accord. Il est arrivé okay. un truc. Ah, AVC. Pas AVC. Agression. C'est la maladie du bouger bouger. La maladie. C'est tout ce qui lui arrive. Je suis content parce que elle touche de plus en plus de Français. Ouais, ouais. T'es parrain de l'assaut d'ailleurs. Je suis pas là. Donc il s'est fait agresser, oui. Il s'est fait agresser par quelqu'un du public. Par quelqu'un pas du public. Un par coach. Par le gosse d'un des joueurs. Ah le gosse. Ouais. Il avait quel âge? Mais ça le dit pas, mais c'est vraiment un enfant. Je ouais, bah oui, parce que joueur de dizaines foot, d'années max. C'est rarement. Parce qu'il avait mis un carton à son. À son père. Non, alors la raison du pourquoi est juste il était un peu excité, l'enfant. Il est venu le niquer. Coup de pied dans les couilles. Non, mais autour des couilles. On est sur les couilles. La bite. Non, on est sur les couilles. On est sur les couilles, mais c'est pas un coup de pied. Ah, il lui a mordu les couilles. Il lui a mordu wow. les couilles. Il lui a mordu une couille, en l'occurrence. Ouais, bah. Ouais, bah il sait se tenir quand même. Quand tu mords la couille d'un arbitre, c'est que vraiment là, t'es un ultra à mes yeux. Un ultra de 10 ans. Une rencontre de Crazy Glass. Alors là, je vais dire plein de trucs en allemand. Donc, les gens qui sont allemands qui nous écoutent, je suis désolé. Voilà, ça va être une catastrophe. Une rencontre de Crazy Glass, le niveau district en Allemagne, a été annulée dimanche dernier à Duisbourg. Pour une raison pour le moins inhabituelle, la contention entre le, et là j'ai adoré, le FC Taxi 2. C'est vrai? Parce qu'il y a le FC Taxi 1. Bah, le FC Taxi 1 et le cette équipe FC me plaît, Taxi 5. Mais elle exagère, quoi. Et le Rod. Samina série. Ouais, c'est ça. Et le Rod Weiss Mülheim 3 n'a pas pu se tenir car l'arbitre s'est fait mordre le testicule gauche. Comme rapporte le Westdeutsche Allgemeine Zeitung, lors du contrôle des licences, un enfant présent dans le coin s'est approché de l'arbitre avant de le mordre soudainement au niveau des parties génitales. Selon lui, l'enfant était le fils de l'un des joueurs du FC Taxi, donc le fils de Diefenthal. Attends, Taxi 2 non, mais... De Taxi 2, Taxi 2, oui, pardon. Non, okay, oui, non, je crois qu'il y avait FC Taxi contre FC Taxi 2. C'est trop, quoi. Lors du contrôle des licences dans le cercle du FC Taxi 2, un petit enfant faisant de la gymnastique dans le cercle des joueurs, il s'est approché de plus en plus près de moi et m'a soudainement mordu le testicule gauche. À la surprise générale, j'ai aimé cette petite. Oui. Bah, j'imagine. Ah. Très bizarre que les gens soient pas surpris, ça veut dire. C'était la douche froide. En raison de la douleur et la situation, il n'a pas pu diriger la rencontre. On ne peut qu'imaginer la douleur ressentie. Depuis, l'arbitre n'a pas donné de nouvelles sur son état de santé malgré des tentatives d'échange de la part du club. L'arbitre s'appelle Hans-Marc Morandini. Et il a kiffé. Ah ouais, tain, c'est dingue. Belle histoire. Ah ouais, se faire croquer le. Ouais, ça le couille. Ouais, ça doit frapper le. Atroce. Ah putain. Mourad, je sais que t'as compris. T'adores te faire croquer. T'aimes bien faire bouffer les couilles par les enfants. Alors, qui se fait croquer les couilles autour de la table? Non, Mourad, je sais que t'accompagnes beaucoup l'enfant au foot. Ouais, ouais. Moi, ma petite, t'es pas encore là-dedans. Quel conseil tu donnes? Parce que c'est un truc que j'ai pas hâte. Dans quelle prévoie disposition tu es pour accompagner l'enfant à ses activités extrascolaires? Est-ce qu'on y prend plaisir? Est-ce que pas du tout? Ben moi je suis dans la compétition avec les autres darons. D'accord, okay. Ça veut dire que je fais partie de cette catégorie, ouais, de je dis rien. Ah ouais. Tu vois, je suis pas dans le truc projet Mbappé, c'est juste je veux que mon fils soit mieux que les autres. Et mon fils est nul en fait. Ah merde. Ouais, il est un peu nul, mais il est marrant. Il vient, oui. Il comprend pas encore, il est pas dans l'esprit de compète. Ouais. Il a quel âge? Il a je sais plus, il a 7 ans, il va avoir 8 ans. Ouais. Bah tu vois, ouais. Il est pas là-dedans et moi je veux pas lui mettre la compète, je veux vraiment c'est il s'amuse. Bien, c'est bien. Je lui ai dit tu vas arrêter le foot à la fin d'année, il m'a dit non, l'année prochaine je vais reprendre. Je lui ai dit si tu vas arrêter, t'arrêtes vraiment, t'es pas obligé. Ouais. Mais c'est un petit truc de le matin, y aller avec lui, il y a une petite mécanique, et après on se va se faire un ciné. C'est magnifique. Donc, un vrai mécanique avec lui, et comme je bosse beaucoup, j'ai pas le temps. Là c'est vraiment mon moment avec lui. Magnifique. Et puis il court comme la crime. T'as pas vu la vidéo de la crime sur un tapis? Ah oui, il court comme ça. Vraiment, il a une. Quoi, on dirait qu'il a envie d'aller aux toilettes. Ouais, bah c'est ça, mon fils, on dirait il veut se chier dessus, lui aussi. Mais s'il sort le AK, il va se faire caca. C'est vrai. T'es vraiment la caution rap de cette podcast. Écoute, c'est vraiment incroyable. Moi, j'avais fait un peu de natation et mon daron. Toi, t'es bon là. Non, j'ai. Alors, non. Ah bah, point commun, les deux. Les bébés nageurs. Je m'y suis mis trop tard. Des bébés nageurs, vous deux, non? Je m'y suis mis en quatrième, donc un peu tard en vrai. Bon, ça va. Non, je te jure, j'avais pas le niveau, j'avais vraiment pas le niveau. Et mon daron, on est beaucoup d'enfants, on est 5. Et donc, comme moi j'étais le dernier, que je faisais du sport et qu'il n'y avait plus personne à la maison, bah, les dimanches ils venaient de temps en temps aux compétitions. Ouais. Mais là où ça peut te faire plaisir, moi c'était là, j'avais honte parce que j'avais 18 ans et tu nages avec des gens de ton niveau en termes de temps. En compétition. Je nageais avec des gens de 12 ans. Ah, et c'est horrible parce que mon père me filmait et tout. Et je me disais, mais j'ai la honte, j'ai de la barbe et tout. J'ai que des enfants vraiment. Et je perds. Tristesse. Et je perds. Voilà. Et vraiment, c'est mon père qui me remontrait les vidéos. T'as vu, c'était. Ouais, mais bien c'est mignon de sa part. C'est hyper mignon. Mais peut-être tu veux un peu qu'il soit fier. Là, t'es. T'as un peu honte, t'es en âge de comprendre que c'est un peu la honte. Ouais, ouais, c'est honteux. Moi, je suis d'accord, c'est honteux. Ouais. Oui, mais cool, faut de... pas rassurer, les gars. Non, c'est, non, honteux, c'est honteux, c'est honteux. Sympa, c'est mignon parce que moi, j'ai souvenir la courte durée où j'ai fait du foot, ouais, d'entendre ma famille se foutre de ma gueule sur le bord du terrain. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Vraiment, je fais demander, un truc. À deux doigts de mordre la couille d'un arbitre pour arrêter le calvaire. Ah, mais je me souviens, c'est vraiment un truc où je fais vraiment un truc nul. J'étais vraiment nul au foot, quoi. Ouais. Et je vois, je fais un truc nul, je le sais. Et j'entends vraiment ma famille rire. C'est incroyable. Bon, ouais. Ouais, c'est violent, mais c'est marrant. C'est des souvenirs. Ouais, c'est des souvenirs. Je sais pas ce que je préfère quand même. Parce que rire, il y a un truc un peu assumé. Moi, vraiment, mon père. Il savait non, pas. Non, ouais. Non, mais rire, c'est horrible. C'est horrible. Je te rassure, surtout, ils ont quoi, c'était, c'était frères et sœurs ou parents? Non, non, bah, parents. Ah oui, c'est dur. Il okay. y avait au moins ma mère, ça j'en suis sûr. Et aussi, je me souviens, ma mère, après le match, dire ah, oh, sur le terrain, on aurait dit une danseuse en parlant de moi. Ah ouais, ouais. Et je me souviens aussi de. Ça, c'est aussi un trauma. C'est que, mais vraiment, des années plus tard, j'avais 27 ans, je lui dis ah ouais, comme la fois où t'as dit que je ressemble à une danseuse et tout. Ça non serait... Et c'est pas qu'elle s'en souvient. Non, au début, elle fait je ça et ça, tout. Ouais. Et je lui dis, mais si, si, tu l'as dit. Et elle fait, mais non, mais c'était un compliment, c'est pour dire que t'étais gracieux. On arrête de parler. Je croyais que t'allais dire, c'était humiliant parce que ma mère m'imitait. Mais je pense que c'est beaucoup plus. Beaucoup trop gracieux pour elle. Je suis pas daron, mais alors faites attention vous les gars, parce que souvent les darons c'est typique de faire des phrases comme as et de se dire tu vois par exemple la première fois que ma mère a rencontré donc qui est ma femme maintenant, ouais. Ma mère dit oh salut enchanté, tu savais que je sortais de scène donc je venais de faire le Tréanon avec une troupe allez, machin raconte, et tout allez, non allez, mais allez. C'est, j'étais hyper fier mais je me dis une standing enfin, présentation bon, ça... de ma meuf et de mes darons tu vois plus là j'ai un t'as peu... mis ça dans les bonnes ouais, conditions ouais, les bonnes et, tout. Et ma mère, elle voit ma donc qui est ma femme maintenant, en disant ah bah enchanté, bravo, c'est super, il était super Benjamin, t'as vu et tout. Et donc elle a dit ouais, c'est marrant, il a toujours aimé la scène. Et je me suis dit, elle va dire j'ai fait du théâtre et tout ça. En CP, il a fait de la danse. Et je me suis dit, mais pourquoi elle dit ça? Et je dis, mais j'ai fait 6 mois de danse. Fait ouais, mais t'en as quand même fait. T'as fait de la danse et c'était horrible parce que ah mais c'était genre pour foutre la honte un peu ou pour donner une information. C'est typique des darons de... Pourquoi tu dis ça? En fait, je crois que les darons ils ont une faculté à pas choisir les bonnes infos. Mais oui, ça c'est vrai. Il y a un truc de... et je pense qu'en fait comme eux ils sont tellement contents ils sortent la première info qui sort et c'est souvent de la merde. Mais ouais. Et vous êtes comme ça vous? Bah moi elle est encore petite hein, pour le coup elle a 3 ans là je serais vraiment une ordure. Ouais, tu te souviens quand t'as chié dans ton froc? Il y a 6 mois là gros bébé. Voilà un petit peu dur. Mais tu fais des faces toi comme ça? Non pas non, du tout okay. Non mais moi je suis conscient. Moi gamin mon père mes parents ils savaient pas trop faire tu vois. Donc, d'accord donc t'as genre, eu on des veut pas, hein, faces vraiment, comme ça ouais. Et du coup il y a eu des faces comme ça. Et maintenant je sais que j'essaie de faire l'anti ouais. Antithèse quoi ouais. Mais je pense qu'on le saura dans 15 ans. Bien sûr ouais, quand on dira mais tu sais la fois où tu m'as pas regardé dans les yeux. Enfin ah oui merde en fait j'ai pas fait ça non plus. Enfin tu vois tu crois que t'essayes toujours de faire mieux que tes. Ouais. Et moi je pense que mon père quand tu lui en parles il fait attends je t'ai pas ravagé de coups comme mon propre père oui, bon, voilà, donc, ça. Donc tout va bien c'est vrai. En vrai le vrai conseil aux parents c'est si vos enfants ils vous font un reproche 20 ans après c'est vrai. Dites désolé quoi. Ouais, pardon, non, c'est un compliment. Non mais en vrai parce que elle m'aurait dit tout va bien c'est compte direct c'est compte. Non, bon, tu vois, c'est un peu tard pour régler mes comptes maintenant. Mais non, mais en vrai, elle m'aurait dit désolé, bah j'aurais fait aller, c'est oui, fini quoi, bien sûr, c'est tout ce que j'attendais juste quoi. Juste un désolé, oui, ça, mais vraiment, dites ça désolé. M'a rendu fou de rage son excuse de merde quoi. Moi, j'avais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que moi j'avais rappelé. Moi j'avais rappelé à mon père un truc qui m'avait un peu traumatisé. Et ça l'a fait rire sur le moment. Ça, allez, ça c'était magnifique. Ah, c'était une bonne vanne. Je fais quand même, parce que mon père, pour m'apprendre. Normalement, j'arrivais pas à nager. Mon père voulait absolument que je fasse de la natation. Il t'a poussé dans l'eau. Ouais. Et en fait, il m'a vraiment jeté dans l'eau sans les brassards. Et en fait, j'ai réussi à nager vite fait jusqu'au bord ouais, pour mais, ma propre la natation, survie. Et je lui fais, tu sais, ça, je m'en souviens encore. C'était choquant. Il fait, oh, bah ça a marché. Vraiment. Ah, bah ça, c'est. Rien du tout. Mais tu peux rien lui dire. Mais ça. Parce qu'il a raison. Mais ça marchait. Ça, le truc du billet du survivant, c'est terrible. Oui, c'est ça. Bah moi, on m'a tapé. Et, regardez, j'ai survécu. Pas, hein, moi, j'ai un voisin comme ça. Ah ouais. Mais vraiment, toujours il gueule sur ses gosses et tout. Il est instable. Ouais, vraiment, ouais. C'est un papa instable. Et un jour, il commence à me parler d'éducation des enfants et tout. Il me dit ouais, mais maintenant on peut plus frapper ses gosses et tout. Regarde-moi, je me faisais défoncer. Et regarde comment je suis ressorti. Je suis bien ressorti. Ouais. Et j'étais en mode bah, non, pas comme ça. Je te vois des fois à 4h du mat. Il vient avec une baguette. C'est un zinzin. Il est persuadé que mais non, mais ça va. Des coups, ça fait du bien. C'est rien, ça va du tout. Ça fait circuler le sang. Une aide-soignante s'est fait virer de l'hôpital où elle s'occupait de petits vieux. À votre avis, pourquoi? Elle organisait un battle royal entre vieux. Ça, c'est, ça arrive à la rentrée sur TF1, mais ouais. Ça n'a rien à voir. C'est Guillaume Plec qui fait ça, je crois. Évidemment. Non, c'est à la télé. C'est non, c'est, mais c'est un truc un peu foufou comme ça. C'est pas un battle royal. Elle leur vend de la drogue ? Elle leur a pas vendu de drogue. Elle les filmait ? Alors, ce qu'elle a fait a été filmé dans le cadre. En scred pour. Pas en scred, non, justement, dans le cadre de. Bah non, c'est fun. C'était pas fun, voilà. Elle les avait couché ensemble ? Non. Là, c'était. Tu m'enverras le lien. Là, c'est le personnage, Benjamin, bien sûr. C'est pas du tout. Vous voyez pas, mais j'ai une perruque là. Je parle avec une perruque. Elle faisait des courses de genre de cartes avec, avec leur fauteuil. Bah, très bonne réponse. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Alors attends, c'est un peu plus précis que ça, mais là vraiment t'es dessus, donc je te l'accorde. Elle a fait une course de fauteuil roulant avec la petite vieille sur ses genoux. Ah, et c'est elle qui est devant. Et c'est elle qui a fait la course. Ah, nous on faisait des courses de. Ça, moi j'ai bossé en maison de retraite. Ah. J'avais 18 ans, j'ai bossé en maison de retraite à l'animation. Okay. Et du coup, on faisait des courses de fauteuils. Mais avec les vieux sur tes genoux aussi ? Non, mettait voilà. Les vieux et nous, on était derrière, soit devant, soit derrière, mais surtout, on était devant, on accrochait notre siège. Okay. Et on les tractait, quoi. Et c'était, vous dans le consentement de chacun, bien sûr. Ouais, complètement. Ouais, ils étaient hyper contents. Ils étaient hyper contents, les yeux. Franchement, ouais. Meilleur taf de ma vie. Mieux que le Cinoche. À fond. Franchement, à fond. Vraiment, c'était vraiment des bons moments. Ils me demandaient de leur ramener de la drogue et tout. Ouais, voilà. Et vraiment, ils se sont dit, ah ouais, animateur rebeu, il va me ramener de la drogue. Et je dis, ah, pas du tout. Ah, donc quand même raciste. Ouais, ah, oui, cool. Non, mais quand même, on reste dans la DA. Donc, oui, en juillet 2023, Janine, une résidente de 89 ans, donc un petit peu âgée quand même, vient de terminer son déjeuner dans la salle des repas de l'EHPAD de Pleuven. Trois aides-soignantes la raccompagnent dans sa chambre. L'une d'entre elles s'installe alors sur le fauteuil roulant de l'octogénaire et porte la résidente sur ses genoux. Une autre pousse le fauteuil roulant et la troisième filme la scène. La vidéo n'est découverte qu'en mars 2024 par la directrice de l'EHPAD. La fille de Janine est alors convoquée par Roger Le Golf, le maire, également président du Centre intercommunal d'action sociale. Votre mère est sur les genoux d'une aide-soignante, elle est emmenée dans un couloir et le fauteuil roulant va assez vite. Ouais, non, mais faut y aller doucement. En fait, mais c'est des trucs. Oui. Nous, c'était vraiment des. Tout droit, quoi. Et puis, c'était un 100 mètres. C'est ça. Ouais, ça allait. C'était à pas deux Mario Kart. Non, mais là, tu lances pas des trucs dans les bananes et tout. Une carapace. Ouais, c'est ça. Donc, oui, là, les trois aides-soignantes sont impliquées, sont suspendues rapidement par la direction de l'EHPAD. Ouais. Sauf qu'il y en a une qui aimerait faire appel parce qu'elle s'est fait virer et tout. Elle dit, bon, c'était pas si violent, etc., etc. Donc, il y a un procès qui va être en cours bientôt. Et la fille de l'octogénaire espère avoir des excuses. On ne peut pas revenir en arrière, ce n'est pas possible car elle est décédée entre temps. Pas à cause de ça. Non, non. Pas à cause de ça. Ouais. Mais bon, le fait est qu'elle est décédée. Wow. Et donc, voilà, elle veut juste tirer les bretelles de ses aides-soignantes pour dire on ne met pas des vieux sur des fauteuils roulants quand on fait la course. Voilà. Et c'est d'ailleurs un message que je voulais dire aux auditeurs. Non, mais le fait de la porter, la mettre sur ses genoux, c'est-à-dire que vraiment, elle peut. Oui, puis qu'elle est. Il y a peu de chances qu'elle ait dit allez ok on fait ça. Alors, quoi. Ouais là c'est ouais. Forcée, là. Salut c'est Janine, bienvenue dans Jackass. Non, jamais de la vie. Vous vous imaginez quel genre de vieux ou quel genre de vieux vous aimeriez être, ce qui sont deux questions différentes. Mais genre là vous arrivez jusqu'à 80 ans, qu'est-ce que vous aimeriez faire de votre vie? Ah mort. Ah ouais vraiment. Ah 80 ans je me sens, j'ai un truc de, ça dépend de la mobilité. Oui à quoi je ressemble à 80 ans. Voilà. Moi il y a là, un truc de je préfère crever en pas en bonne santé mais ouais. Yimbe. Ouais, quand c'est la fin, c'est les arrêts de jeu, tu sais plus rien faire, tu dépends des gens, c'est un enfer. Moi, c'est vrai que. C'est dépendre des enfants et qui est un peu dur. Oh là là. Bah, ouais. Et puis alors, quand t'as pas d'enfants, c'est. Ouais. Mais non, mais moi, c'est. Je bah, pense au moins, à ça. Tu vais chez des aides-soignantes, pas tes enfants. Il faut avoir des sous pour payer les aides-soignantes. Ah, oui, hein. Ouais. Donc, non, mais moi, ça me. Quand je vois des fois des vieux qui vont faire leurs courses et qui marchent, mais ils sont courbés à. Ah, bien, angle droit. Ouais, mais même pas angle droit. Ils ont la tête. Point d'interrogation. Ouais. Et ils marchent comme ça, tout doucement et horrible. Tout, je fais putain, mais je veux pas moi, que ça se termine comme ça. Ouais. Ah non, horrible quoi. Ouais. Ah non, mais dans vos rêves le plus fou alors plutôt. Ouais. Imaginons plutôt, il y a un truc bonne ambiance. Petit potager. voilà, rocking chair. Le potager du potager. C'est ma chaîne YouTube parce que je vais te gifler malheureusement. Ouais, bien sûr. Bah, je serais trop vieux pour ça. Tu t'en Twitch, t'en Twitch. Non, mais ouais, petite baraque, petit. C'est vrai que ça a pas été pris par les vieux Twitch encore. Il y a eu les vieux. Il y en a quelques-uns. Il y avait une vieille qui jouait à Minecraft justement. Ah ouais. Qui s'appelait Bacon Lady ou je sais plus quoi. Ouais. Et juste une vieille qui joue à Minecraft. Ça j'aime bien déjà. Ouais. Il y en a quelques-uns, mais oui, ouais. C'est pas non. Non, moi j'aimerais bien quand même être un peu sans filtre, je trouve les vieux un peu sans filtre. Ah bah, ça, c'est ça vraiment. Parce que ça, ils vont pas se faire niquer. Mais ouais, ouais, j'ai l'impression que tout le monde pardonne et tout, mais pas des gens, ma famille, tu vois, vraiment ouais, des gens dans la rue en disant, ouais, tu vois, avec ton pantacourt de merde. Et alors que le gars a très bien entendu. Ouais, bien et tu fais quoi, pardon? Et le gars n'ose pas te frapper. Ça, ça me plairait. Mais dans Rêve les plus fous, baraque avec toute ta famille, tu vois, ouais, et tout ouais, le temps entouré des tiens, quoi, tu vois. Ouais. Qui est toujours du mouvement chez toi, quoi. Ça, ça me plairait bien. Bien la sûr. Solitude me ferait extrêmement ah, peur. L'enfer. Ah, ah ouais, ouais, ah, ouais. Quoique, ouais, quoi ouais. Ouais. Il y a la solitude et la solitude de maintenant où t'as quand même accès à Netflix, Internet. Oui, je vois ce que tu veux. Oui, c'est vrai, c'est plus la solitude. Tu vois, mourir seul maintenant, c'est pas mourir seul il y a 20, ouais, il y a 20 30 sûr, ans. Ouais, moi, mon arrière-grand-père, quand sa femme est morte, il a fini les dernières années de sa vie tout seul, il a un peu changé de mode de vie. Alors, il s'est pas fait les Sopranos, ouais, il s'est ouais, fait les Sopranos. Il s'est fait The Wire, il s'est mis au skate. Il m'a appris la définition de quoi couper. Il a flossé. Ah ouais, il a. Non, mais genre, il se couchait grave tard, par exemple. Enfin, genre, vraiment, il vivait avant, il se levait bah, comme tous les vieux à 4h ouais, du matin ouais non mais voilà pour arriver avant l'ouverture du Leclerc devant la grille quoi et après c'était genre je me souviens il nous parlait des d'On n'est pas couché genre il adorait regarder On n'est pas couché jusqu'à la fin tu vois wow. Et il se couchait genre à ouais 2-3 heures du mat wow, tous les soirs et il se levait du coup à 11h le matin et vraiment c'est la mort de mon arrière-grand-mère il a changé de mode de vie quoi dingue ouais ouais donc moi ça me ferait kiffer. Ouais ouais, ouais mal, pourquoi petite. Pas être en fait, aux de nuit. En fait ça dépend tu vois tu peux être seul mais si t'es genre peut-être dans un village où il y a du monde ouais, et tu vois va. Mais ouais, si ouais, t'es en seul c'est dur. Oui oui pas non, du bah, tout entouré c'est non, horrible c'est ouais, ça je pense que c'est ouais, ça le truc c'est seul dans une grande ville je crois que c'est ça qui est intense ça c'est horrible ouais ouais, ouais je parce que tu vois que les gens bah ils ont pas le temps ça bosse ça ouais, il y a pas de lien mais ouais, dans un petit village ouais mais t'es le vieux du village c'est ça enfin le vieux du village t'es jeune du village c'est là où tu ça devient c'est ça selon non, plutôt pas de ça, c'est là. Trois policiers ont fini à l'hôpital et c'est de leur faute. À votre avis, que s'est-il passé? Dans quel pays? La justice. En France. En Espagne, pardon. En Espagne. La justice. C'est l'homme de gauche qui parle. Ils ont lu un bouquin. Non, mais bon, je sais pas, je dis ça. Je sais pas. Non, mais imaginons. Hein. L'acronyme, là. Non, attends. Ah bah, on vient de recevoir un mail. On est chez Nova à la rentrée. Bah, oh, bravo, Adrien. Bravo, merci. Attends. Trois policiers ouais, ont fini à l'hosto et c'est vraiment parce qu'ils ont fait une erreur. Voilà, je peux te donner un indice. Au volant. Pas au volant. Est-ce que ça implique de l'alcool? Est-ce que ça implique pas de l'alcool? Implique leur gun? Ça n'implique pas leur gun. Leur gueule. Non, gueule non plus. Vous avez des sales gueules. Non, ça n'implique pas leur gueule ou leur gun. Ils ont glissé. Sur une peau de banane, pourquoi pas? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ou alors il y avait un râteau, ils ont marché dessus et puis je sais pas. Non, quelqu'un avait dessiné un trou au sol, ils sont tombés des... dedans, ouais, bien sûr, évidemment. Il a reçu un piano sur la tête. C'est quoi la question déjà? Ces trois policiers ont fini à l'hosto par leur faute. Et pourquoi? Par leur faute? Ouais, ouais, ouais. En service? En service, très bonne question. Ah, Putain, donc c'est dans quel pays? C'est en France? C'est en Espagne. En Espagne. Ah, en Espagne. Ah, ça change plein de choses, ça. Oh là là. Je sais que vous êtes des gens qui connaissaient bien l'Espagne. Bien sûr. L'Espagne, gazpacho, la corrida. Il a fait un truc pas très sonore, non, mais il a fait un petit geste de main. J'ai fait un geste qui est pas du tout espagnol. Non, presque. Parce qu'en fait, j'allais faire italien et je me suis rendu compte que c'était pas ça, donc j'ai. J'ai fait Espagne. Un peu flamenco. Si, voilà. Bah, rappelons que tu es espagnol. Je suis espagnol, 50%. Voilà. Génétiquement. Meniele. Meniele. Non, ma mère s'appelait Amador. Oh, ah oui, d'accord. J'aurais, et ah, vraiment, ouais, au divorce de mes parents, ils m'ont dit, est-ce que tu veux changer de nom de famille? Ouais. J'ai dit, je garde Méniel. Et en vrai, Adrien Amador. Bon, c'était acteur de film de cul. Chanteur de charme. Adrien Amador. Mais énorme baiser, quoi. Ah, Adrien ouais, Amador, c'est j'ai pas la même vie, quoi. Et c'est plus Adrien, c'est Adrien, malheureusement. Adrien Amador. Adrien Amador. Pas mal. Ouais. Comme quoi, ça se joue à... T'as pas grand-chose. La carrière, une carrière, ouais. Non, Méniel, bah c'est voilà, devant le micro là. Il y avait deux voix. Mais pareil, moi je préfère le nom de famille de ma mère. Moi ma mère c'est Nati. Bah et oui. Et ouais, c'est Bernard. Donc Florence ouais, et Nati, il y a un truc ouais, de... ouais. Ça m'a fait ça récemment. On sur... a envie d'aller dans les pouilles là. Ouais, ouais, tu vois un petit peu. Ouais, alors que Florent Bernard dit oui, bah c'est mon comptable. Écoute, il s'occupe de mes comptes. C'est ma carte bleue spécimen. Voilà. On y est. il m'arrive un truc trop bizarre. Il y avait une critique de film qui avait été faite sur mon film et comme les de quoi, je sais pas, je ris d'avance. Ouais, moi aussi, ça me fait marrer. Non, en plus c'est pas si ouf, mais ça m'a fait bizarre. En fait, vu que j'étais le réalisateur, il faut comme tu fais quand tu parles d'un réalisateur, tu utilises que son de famille. Tu vois, genre. Et il disait Bernard. Et il disait Bernard. Tu vois, il dit ouais, Spielberg. Spielberg manie sa caméra. Et là, ça faisait Bernard écrit des dialogues. Genre, ouais, bon, allez, c'est bon. Bernard. Ridicule. Bernard. Ah, bah oui, c'est tout le talent de Bernard. Le bon, Bernard. Ouais. Le Bernard, là. Oh, le Bernard. Ah, qu'est-ce qu'ils ont pu foutre ils ont chuté d'une quelconque manière. Non, non, non. C'est grave. Fait de jeu. Est-ce que c'est grave ce qu'ils ont eu? Non, du tout. Mais c'était commissariat tous les trois. C'était les au commissariat que c'est arrivé. Ouais, attends, est-ce que c'est un truc genre qu'ils ont bouffé? Très bonne question. Oh. Et c'est un oui. Ils ont mangé de la poudre à canon. Non. Ils ont mangé un truc qu'ils ont perquisitionné. Ce que j'allais dire. Oui, de la drogue. La weed. Très bonne réponse. J'allais dire, ils ont des space cake ou un truc comme ça, ils les ont bouffés. Alors c'était presque ça, mais oui, c'est en fait ils ont bouffé des bonbons à la drogue, des trucs maquillés en bonbons, en pensant que c'est de la drogue. En Espagne, il faut savoir que des clubs privés associatifs appelés cannabis clubs existent dans certaines provinces où il est possible d'acheter et de fumer du cannabis légalement, mais c'est des clubs qui sont très surveillés par la police pour voir si tout est bien fait. Mm-hmm. Et durant la perquisition, trois policiers ont saisi plusieurs objets. Des substances, dont des bonbons qui étaient en vente. Toutes les preuves ont été étiquetées et mises sous scellé, à l'exception d'un seul sachet, visiblement oublié et laissé quelque part dans le commissariat. Ah, ils ont oublié. Tête en l'air. Des grosses têtes en l'air. J'ai vu le symbole du Canada, je me suis dit j'y vais. C'est pas comme s'il y avait eu 200 000 films sur les saisies. Ouais, c'est clair. On a vu The Shield, hein. On a Et donc, oui, après. Mais sauf que c'est pas les mêmes, hein. Après être une intervention, les trois agents de police ont vu un sac de bonbons. C'est ce qu'ils disent. Et les autres se sont dit oh, des bonbons. Apparemment, c'est ce qui se passe. Mais on n'y croit pas une seconde, évidemment, Adrien. Bah, en vrai, pourquoi pas. Bah oui. Je sais pas. Hein, après, c'est. C'est pas. Oui, c'est des policiers. Après, ça le goût des bonbons au cannabis, c'est quand même très particulier. Il doit avoir un goût de cannabis, je pense. Bah, c'est sûr. Moi j'ai bouffé des gummies au THC et il y a un goût. Tu te trompes pas normalement. Quoi. Mais surtout que. Et c'est dégueulasse. Là, en plus. Ils en ont bouffé jusqu'à en être malade. Donc en plus, je pense pas que t'en aies goûté un et tu fasses oh, j'aime pas et tu vas à l'hosto. Enfin, c'est juste. Ils en ont bouffé quand même. Un paquet, quoi. Une erreur qui a donc valu un séjour à l'hôpital de quelques heures aux trois agents de police qui ont dû subir un lavage d'estomac pour se remettre de leur intoxication. Ce qui me donne envie de poser une question que je pose de plus en plus dans le podcast, mais qui m'intéresse. C'est quoi votre saloperie sucrée préférée? J'élargis, pas que bonbons, ça peut être des gâteaux, ça peut être des petits trucs de goûter. Votre saloperie sucrée, je sais que je suis avec des gourmets autour de cette table. T'es avec un bec sucré. Je suis avec un bec sucré. Faut savoir que Benjamin, à chaque fois qu'on a un truc où on se retrouve, il ramène des petites saloperies. Toujours avec toujours. Plaisir, des trucs délicieux. Toujours, je me souviens d'un voyage en train qu'on avait partagé. Bien sûr. Et vous avez régalé. Avec les choux fourrés de Yann Couvreur, exceptionnel. J'ai dégommé tout seul dans le train. Le cœur sur la main. J'aimerais ce mec. Des fois, je me dis, je suis pas assez ce mec-là. C'est... Non, mais vraiment. Qui ramène des petites douceurs. Ouais, j'adore. Pense aux autres, tout simplement. Tu vois. Ouais. Qu'est-ce que j'aime. J'aime vraiment trop de trucs. Pour 20 flots de casse, je l'ai fait. Oui, bien sûr. On en a goûté des. J'en branle pas. Moi, la différence, c'est que tout le monde s'en battait les couilles des trucs. Du tout. Tu m'as réconcilié, du coup, avec beaucoup de trucs vegan. C'est pour ça que t'as arrêté. Et non, bah, au bout d'un moment, personne ne les bouffait. Ah non, moi j'ai adoré. Non, mais franchement, oui, c'est vrai. Mais je me suis même fait. En fait, il y a une série, série de floodcast où personne n'y a touché. Je fais niquez vous. Surtout que c'est extrêmement cher en plus. C'est bien cher, c'est très cher. Non, j'avais fait la boulangerie dont tu avais parlé dans le floodcast avec Douli, je sais plus combien de temps, mais qui est une boulangerie vegan. Land and Monkeys. Ouais, exactement. Oh, et j'étais hier, mon pauvre, il y en a une à Bordeaux. Mon pauvre. Non, et c'est pas très très bon. Alors, un Bordeaux, la vegan, et un molard. Un molard dans la nuque. Flamenco. Et qu'est-ce qui me rend zinzin? Je sais pas, un petit amoura, t'as rien. Moi, je crois que la crème anglaise, je pense. Ah ouais. En vrai, lui, au goulot. Ah, au goulot de la crème anglaise. Ah ouais. Moi, c'est la Ben & Jerry's peanut butter. Oh, moi, c'est plus Cookie Doux. Ouais, oui, et la peanut butter, je vois très bien. Peanut butter, moi, ça me dégoûte un peu, c'est vite lourd quoi. Ben, c'est exactement ce que j'attends d'une alimentation de facochère. Je vois très bien. Oh, ouais, tu parles à quelqu'un qui tapait le pot de Nutella à la cuillère. Oui, bien sûr. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus, mais à l'époque de la. Avant le Wokistan. Avant et le Wokistan et ma dépression, je me régalais de pot de Nutella à la cuillère. Vas-y. Et un truc plus rare, mais que j'adore, et à chaque fois que j'en goûte, je me dis toujours putain, c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est de la meringue avec de la double crème, c'est un truc suisse. Okay. Et de la double crème, on dirait vraiment une crème fraîche un peu, mais c'est autre chose. Super, et de mélanger à la meringue. meringue, quand tu manges les deux ensemble, t'as l'impression d'avoir de la chantilly un peu solide. Oh et là c'est là. Fou malade. Ah ouais. Ça m'a presque fait pleurer. Mais c'est que du sucre et du gras. Hein. Ah ouais, c'est exceptionnel. C'est tout ce qu'on attend. Pardon. Vas-y, et toi, quel est ton petit... Moi, il y a une viennoiserie qui s'appelle, selon les établissements, le Drops ou la Brioche Suisse. Je sais pas si bien vous voyez. Sûr. Vraiment bien de la grosse sûr. Crème pâtissière dedans et les pépites de chocolat. Pépites de chocolat. Alors, et moi, du coup, je suis vegan, donc j'en mangeais plus pendant un moment. Et il y a une... pâtisserie vegan à Paris qu'en fait et ça quand ah, je l'ai appris dingue. Bah bien sûr les larmes des fois au petit déj je m'en fais fou ah, je comprends. Et quand vraiment j'ai besoin de réconfort je fais allez je m'en bats les couilles je comprends c'est vraiment j'avoue en termes de petite viennoiserie je le casse plus dans les viennoiseries si ça te oui oui non pas, non mais... non et t'as le droit c'est ce que j'ai dit mais j'ai oui, le droit. Bien sûr bien sûr bien sûr vous embrouillez pas les gars vous embrouillez pas c'est trop con là ce qui se passe il y a plein de catégories je serais allé dans les viennoiseries mais c'est pas grave. Bah, ta meringue, c'est quoi? C'est un dessert! C'est un dessert! De toute façon, il a dit des saloperies! Oui, moi j'ai pris un large! J'ai pris large! T'as bien fait! Non, non, je t'avoue, c'est un très bon choix! C'est, je crois, ma viennoiserie préf! Ah! J'adore! Vous êtes jumeaux de quoi? Les chouquettes, j'aime bien les chouquettes! Le Drops? Ouais! Petite chouquette aussi sympa! Ah oui! Le beignet fourré chocolat! Très délicieux. Je suis moins. Le gros truc bien. Le gras là. Et qui est à l'intérieur que tu croques et il y a le. C'est plutôt du chocolat fondu. Mais oui, tu peux le faire au Nutella aussi, j'imagine. Mais. Qui ressemble à un trou de balle quichy. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. Tu croques dedans. Alors, on a Benjamin Tragnier autour de la table. Oui. J'ai une question qui concerne Coulommiers. Oh. On les embrasse. Un record du monde a été tenté pour faire le plus long. Mais le plus long quoi? Coulommiers. Non. Ça vient de Coulommiers, le Coulommiers. Oui. Okay. Alors c'est au lait cru, c'est au lait cru. Voilà. La plus grande merguez. Pas la plus grande merguez. Alors, n'essaie pas de coller forcément à Coulommiers. Ouais. Le choix que... de la merguez. C'est pas un truc, c'est pas de la bouffe. Non, c'est pas de la bouffe. Pendant longtemps à Coulommiers, il y avait donc la foire. Il y a tous les ans la foire au fromage international du fromage et du vin. Bon, voilà. C'est bon. Bref. Il y avait le concours du plus gros mangeur de brie. Oh. Et tu gagnais. Un brie entier. Donc faut vraiment aimer ça. Et jamais t'as essayé de négocier, de faire gagner des places de spectacle, des non, trucs comme ça. Non, ils m'ont jamais. De... Ouais, ouais. Non, alors à chaque fois au Téléthon, du coup c'est tous les ans, j'essaye de glisser des places ou des trucs comme ça, mais non. Personne vient. Non, merci. Non, c'est là, tranquille. Moi, par exemple, là ce soir, j'ai l'avant-première de mon film, mais dans ma ville. Okay. Je les ai contactés, tout ça, j'ai tout fait. Là, je demande le nombre de places. Il me dit ouais, ça remplit pas trop. Il y a le Real Madrid. Et j'avais la haine. Je me suis dit au début, tu sais, il y a un truc de. Moi, c'est génial. Je vais dans ma ville. Je vais donner un peu de l'inspi pour les jeunes. Regardez, on peut s'en sortir. Non, rien à péter. Il y a Saliba qui joue ce soir. Alors, est-ce que c'est un objet? C'est pas un objet. Cri de cochon, cri de cochon. Non. Donc c'est une prestation. Oh, il le fait bien. Oh, il le fait bien. Encore une fois, c'est personnage. J'ai fait peur à Mourad. Je me suis dit, je suis plus dans la safe place là. Bien Coulommiers, tu vas être bien accueilli. Est-ce que c'est une prestation quoi? C'est alors qu'est-ce que tu appelles? Non ben genre, ouais. Tu vois, c'est pas fabriquer un truc. Non. C'est par exemple le cri de cochon, oui, c'est voilà. Une prestation. C'est plus une prestation. Okay. Genre si c'était. Moi j'aurais plutôt appelé ça de l'art. L'art mais... Ouais ouais. Oui. Le plus long. Le plus long paix. Non mais encore une fois, éloignez-vous de Coulommiers. Hein. Oui, non, mais, c'est vexant là. Oui d'accord. Le plus long concerto en ré mineur. T'en fous pas de notre gueule non plus. La plus longue nuque longue. Non bah non. Le plus long burn. Le plus. Est-ce que c'est un lien avec la voiture, l'automobile? Pas l'automobile. Mais c'est un lien avec... Pas un concert, mais c'est un... effectivement c'est un truc de durée. Ok. Un truc de durée. Okay, ouais. Et un truc de. Voilà. Oui, c'est le plus. C'est sonore. C'est avec la voix. C'est pas sonore, c'est même un truc par rapport à l'écologie. Voilà, petit indice que je vous donne. Le plus long compost. Non. Non. Le plus long Greta Thunberg. Ouais, non, ouais, tu fais au hasard là. Oh là là là. Et avec l'écologie, ça met un peu dedans. Dans la recherche. Ça technique un peu. Ouais, en fait, on n'a pas dû savoir. Ouais, je suis désolé. Non, mais attends, une prestation, mais en rapport avec l'écologie. Non, en rapport avec la nature. Oubliez l'écologie, qu'en plus, on va y c'est plus ça. Mais c'est quelque chose que tu fais, quoi. Oui, que tu fais. Une performance, quoi. Une performance d'un mec seul. Ok. Ah, et dans la nature. Dans la nature. Le plus long. C'est très spé, hein, je préfère vous le dire. Ouais, ça sent. Et attends. Avec la nudité. Non, pas de nudité. Juste la longueur. On est sur une heure. Plusieurs heures. Plusieurs heures. Ah, je vais même te le dire, en fait, ce record de Coulommiers a été battu quelques jours après, hélas. Ah, c'était un record à Coulommiers qui a été fait. Ouais. Ah, waouh. Ouais, mais oui. T'es pas au courant, toi? Attends, chez bah, toi, du coup, je vais réfléchir. Bah, tu t'es pas abonné au Coulommiers Libérés où ouais, absolument avant tout. Le record était détenu ouais. par un gars de Coulomb. Et quelques jours après, wow. c'est en Ghana. Oh. Et que ça a été ah oui, mais donc c'est un record worldwide. C'est worldwide. Ouais, wow. Vraiment, on est à l'international en ce moment. Ouais. Et le fait que ça ait été à Coulommiers joue pour quelque chose. Zéro. Zéro. Donc attends, c'est un truc que tu fais dans la nature. Fou rire. Si. Je le connais forcément, le mec qui appelle ça. C'est qui, je sais. Un truc en forêt? Oui. C'est un rapport avec le bois? Oui. La bûche? Avec un arbre. Ouais, c'est quelqu'un qui coupe du bois, quoi. Non, pas couper, justement. Grimper dans un arbre? Grimper dans un arbre. Pas grimper dans un arbre. Planter des arbres. Pas planter des arbres. Tenu le plus longtemps dans un arbre? Oh non, mais t'es pas loin. Tenu le pas loin, plus longtemps un arbre? Non. Oui, qui s'est enlacé un arbre. C'est oh putain, c'est ce que t'as voulu dire. C'est ce que t'as voulu dire. Non, okay, j'y ai pensé, mais je me suis dit, bah, c'est facile à battre. Comment c'est le plus long câlin jamais fait à un arbre. C'est un gars là, de Coulommiers qui avait ça. Du sommeil aussi, malheureusement. Un youtubeur de Coulommiers, même, pour te dire. C'est pas vrai. C'est vrai. Il y a un autre youtubeur que toi à Coulommiers. Il doit en rester qu'un. Et effectivement, si ce jeune homme s'est lancé ce défi de sylvothérapie, parce que c'est le nom de faire des câlins aux arbres, il a déjà été battu, hélas, par un Ghanéen qui a enlacé un arbre pendant 24 heures et 21 minutes. Et en plus, ce Ghanéen, lui, pour le coup, il y avait vraiment effectivement un geste militant et écologique, car il a pour but de rappeler l'importance de la conservation de la nature au Ghana. Il s'est d'ailleurs engagé à planter un arbre à chaque minute passée à enlacer cet arbre. Il a donc wow, mais ça fait beaucoup, là, 1461. Ah oui, ouais, je l'avais, je l'appelle. Il va jamais le faire. Et attention, il faut... Je te jure, il va pas le faire. En vrai, je suis assez d'accord. Franchement, et qui va aller vérifier en plus? Moi, c'est comme, d'ailleurs, vous voyez ce que c'est Ecosia? C'est le moteur de recherche qui disent à chaque recherche, on plante un arbre. C'est sûr que c'est faux, quoi. Bah ouais. C'est sûr que c'est faux, quoi. Ouais. Arrêtez de mentir, évidemment. Que vous avez... J'avoue, je l'avais et tous mes potes se moquaient de moi parce que je l'avais. Et du coup, j'ai arrêté de mettre Ecosia parce que tout le monde disait, mais arrête. Bah, c'est le même truc que sur Facebook à l'époque, tu vois. Ouais. Un like et. Et ouais, en termes de recherche, c'est atroce. Tu tapes Instagram sur Ecosia et c'est sur la 8ème page. C'est horrible. C'est atroce. Faut savoir que le Ghana est au centre de l'actu sur les arbres. Ah ouais. Et les enlacages d'arbres, puisque un autre Ghanéen a battu un record, à savoir celui du plus grand nombre d'arbres enlacés en une heure. Ouais, alors, ouais, donc il y a vraiment une trend. 1123 arbres enlacés en une heure. Il y a un mec qui a fait des checks aux arbres aussi pendant deux jours. Mais est-ce que là-bas les gens pissent contre des arbres, c'est ça? Ouais, parce que là, ouais, vu tout ce que tu fais à un arbre, c'est dingue. Est-ce que vous êtes du genre plutôt pudique? Parce que la pudeur, c'est quand même un sujet très important de la mort, c'est surcôté. J'ai eu l'impression, en tout cas, moi, c'est un truc qui m'a le plus touché dans le film. Bah, en vrai, j'ai l'impression que dans le flot de cage, j'ai dit des trucs assez perso en disant. Ouais, ouais. Donc, pas très. Enfin. Pas si pudique. En fait, ça dépend, ça. Je trouve. Mais que... non, mais c'est de la pudeur face aux gens que. Ouais, ouais, mais même ça, c'est pas pareil. Ouais, je suis pareil. Je trouve que de dire des choses sur soi de manière alors, artistique avec le flot de cage. Non, il y a pas, un côté, je le dis parce que. Moi, à mes yeux, le fait d'en parler comme ça, tu vois. Parce qu'en vrai, là, on est en train de parler, on est en train d'oublier qu'il y a les micros. Ouais. On parle entre potes, il n'y a pas ce truc près. Peut-être que vous voyez pas comme des potes, moi je vois. Si, non, mais tu vois, il y a ce truc de on raconte, même moi avec l'écriture, c'est ma manière à moi de sortir de ma pudeur. Mais sinon, ouais, au quotidien, c'est un enfer de vivre avec moi je le sais. Hein. Ouais. J'apprends là, à devenir quelqu'un qui aime les gens avec mes enfants, tu vois. Sinon, avant, c'était. Juste le contact, le truc, moi avec mes parents, il n'y a jamais eu de contact, quoi. Ça n'existe pas, tu vois. Oui, c'est un vrai truc, mais d'ailleurs, c'est même un peu le seul film, c'est. Utiliser même l'humour. Est-ce que toi aussi t'as eu ce truc d'utiliser l'humour pour faire passer les trucs que tu n'osais pas trop dire, mais même aux gens ouais mais c'est genre je t'aime. C'était une blague, tu vois, des trucs tu sais pas du tout comment te positionner. Mais l'humour c'est le meilleur moyen justement de pas dire la vérité, hein. Ouais, c'est ça. Et ou alors de la dire mais en faisant semblant que tu dis autre chose, quoi. Genre ouais. Mais j'ai l'impression que toi t'étais un peu comme ça, et j'ai l'impression que tu luttes un peu contre ça, Adrien, de plus quoi, en plus. De justement de dire plus les choses, de moins utiliser l'humour. Je me trompe complètement ou j'ai l'impression? Non, ouais, c'est vrai. Mais après, je le fais toujours bien sûr. De dire. Mais parce que c'est aussi un peu cool. Enfin, je veux dire, en fait, faut pas diaboliser non plus, que... tu vois. Mais en fait, je trouve que ça peut être, genre, dans une situation un peu. Genre, quelqu'un qui fait un truc relou, qui dit un truc relou et tout. Enfin. Je trouve que c'est la bonne. C'est entre rien dire et du coup un peu cautionner le truc et faire une esclandre et en fait peut-être juste encore plus niquer l'ambiance. Ouais. Je trouve qu'il y a une solution qui est un peu élégante de faire une blague pour dire hey, j'ai remarqué que c'est de la merde ce que t'as fait. Mm-hmm. Je l'enrobe d'humour pour que ça reste. On garde une bonne ambiance je fais pas, tu fais passer l'info, mais en même temps tu préserves la relation. Ouais, voilà. Mmh. Et je trouve que c'est une bonne solution. Je trouve ça élégant en fait, si c'est bien fait. Mais bon, moi je suis une machine, donc y a aucun problème. Non, pas du tout. Mais dans ce, justement, on est dans cette forme de lâcheté. On en revient. Tu te retrouves un peu dans cette team aussi, Benjamin, ou pas trop? Bah, pas tant que ça. Non, non, pas tant que ça. Non, non, lui dit des choses. Ouais, ouais, non, mais c'est d'ailleurs trop bien. Ouais, ouais, c'est ouais. Super. Après... Et tu le fais en mettant à l'aise. Ça, c'est le grand talent de Benjamin. Moi, je me suis très vite senti à l'aise avec toi. C'est sympa. Sûrement trop. Merci. Mais en tout cas, c'est... oui, non, mais c'est vrai. Bah, c'est sympa. Ouais. Bah, merci. Ouais, ouais, non, non, je suis. Voilà, famille. Parents expressifs, mais pas non plus surexpressifs, donc oui, c'était le bon juste milieu. Et enfance heureuse, tu très, dirais ouais, ouais, de ouais. Fou, ouais, ouais, franchement. Il n'y a pas de secret. Hein. Ouais, ouais. Non, non, ouais, ouais, de fou. Je me recule du micro. Ouais, ouais, c'est effectivement ça. Il n'y a pas de secret. T'es aimé en fait. Oui, oui. Ouais, okay. Voilà, en fait, il y a ce truc de quand tu reçois de l'amour gamin. J'ai presque honte face à vous là. Je sais pas, ouais, voilà, c'est un cheat code. Je suis désolé, je suis désolé. Ils ont accordé du temps et tout, quoi. Ça va, le. Ils sont pas foutus de ta chat. C'est quoi, t'es un pauvre type? La honte, la honte. Ah, le sur bébé là, ça va le bébé? Ouais, je t'aime. Fais-moi des bisous sur les joues. Divorcé pas. Ils ont divorcé tes parents? Non. Ok. Ah, bah non, bah évidemment, le grand chien. Non, évidemment. Allez là. Et donc, par exemple, faire des vannes. Parce que j'ai vu une interview de toi, moi, je me disais que tu, à 15 ans, et ça m'a fait penser à toi d'ailleurs, parce que tu faisais t'avais des carnets de blagues. Ouais. C'est arrivé comment cette volonté de faire, d'avoir envie d'écrire des blagues, d'être marrant? Pas de mémoire. J'ai une très mauvaise mémoire. Vraiment très mauvaise mémoire. Et en fait et puis pour les meufs quoi. Les meufs, je me suis rendu compte que j'étais pas beau gosse. Du coup fallait choisir autre chose. Fallait choisir le rire. Ouais. Et dès que j'ai une bonne vanne, un truc, Je notais. C'est comme ça. Et il y avait quand même pas de meufs. Mais il y avait un carnet. Mais il y avait le carnet. C'est toi aussi, t'avais des carnets à blagues. Mon père avait un carnet de blagues, c'est vrai. Non, moi j'avais pas de carnet de blagues. Non. Mais tu notais pas plein de choses? Non, maintenant oui, en partie aussi pour la mémoire, ouais, qui me fait défaut de plus en plus. Mais moi aussi visiblement, pardon. Non, non, non, non, non, non, non. Moi, je faisais des sketchs dans la cour de récré. Oui, c'est ça. J'ai mélangé. Ah, t'as primaire. T'as toujours été là-dedans. Il faisait ses propres justement sketchs. C'est ça qui est fou. Et tu notais et tu les notais et tout. Non, c'était en vrai. En plus, je dis ça, genre j'ai dû le faire. Non, mais il faisait des flyers. Mais j'avais fait. En fait, c'est ça, c'est que j'avais retrouvé chez ma mère. Je faisais des flyers que je distribuais, genre, je fais des sketchs et tout. Mais génial. J'ai dû le faire deux jours. Et en fait, pour répondre à ta question, justement, moi, j'ai fait. C'est en retrouvant ce truc que je me suis dit, ah putain, mais en fait, j'avais envie de faire ça, sans doute quand j'étais petit, mais je me suis jamais autorisé à l'envisager, quoi. Ouais, t'avais oublié que tu l'avais fait? Ouais, t'as vraiment une mémoire de merde. Ouais, parce que faut je l'ai pas fait. Je te dis, j'ai dû le faire à une ou deux récré, quoi. C'était pas ça, un petit Adrien avec une petite veste, tu sais, avec plein de paillettes en sequin, à faire comme s'il tapait dans un métro. Test. Ça s'appelait approchez-vous. Ça s'appelait les tolards. Ouais, dire, c'était des tolards. Génial. Je sais plus ce que c'était les vannes. T'avais quel âge sur ça? Sur les tolards? CM1, je pense, un truc comme ça. C'est tellement bien. Ouais, non, mais c'est cool. Mais justement, que j'avais repris ça. C'est un des rares gars que moi, toutes les histoires que j'entends du Moïse, c'est je refaisais des sketchs de Les Inconnus, j'écrivais ouais, oui, oh, si, quand en même, vrai, quand oui, même. Oui, oui, c'est ça. C'est et il est actuellement dans le spectacle de Thomas Sisley. Oh, c'est ça. Le spectacle Les Tolards. Et toi, Benjamin, parce que c'est toi, t'as un humour sur scène, en tout cas, il fait beaucoup des personnages. Mm-hmm. Est-ce que dans la grande histoire que j'ai envie d'écrire sur Benjamin Tranier, tu faisais déjà des persos à l'époque ou pas du moi tout? Je sais que je refaisais les petites annonces avec mon frère. Ah oui, génial, ouais, ouais, incroyable. Vous filmiez ou vous le refaisiez? Alors, comme les ça deux. On filmait et on faisait devant les darons, genre Ramucho, tu vois, ah, enfin, bien sûr, pas Ramucho, mais si, si, non, oui, Ramucho, c'est les jeux de mots du Bidil. J'ai les jeux de mots, mais c'est Rodriguez. Rodriguez, ça, et fils. Je l'ai fait deux, exactement, je l'ai dû le faire. On a dû leur faire un spectacle quasiment tous les soirs de Rodriguez avec une chaussette dans le paquet, etc. Déjà, il y avait un petit peu. Il y avait une accointance avec du coup, beaucoup de spectacles. Ouais. À la maison, hein, évidemment. Ça, je faisais aussi à la maison au daron et tout. Mais ceci dit, Parce qu'on parle des darons, des darons. Que des œuvres originales, par contre. Moi, moi je pillais pas aujourd'hui. Et déposé à la SACD. Hein, essayez pas. Ils touchent de la thune tous les mois. Je vis ça, en fait. Donc, c'est pas le... Non, mais ceci dit, parce que c'est par rapport à mon mix, à mon mélange de dans ma tête, t'avais quand même un daron qui faisait des blagues. Ouais. Toi, moi, j'ai lu que t'étais dans un moment où il y avait quand même pas mal de vannes, parce que ton père bossait en PMU, si je dis ouais, pas. Ouais, mon père, il avait un bar kabyle. Et du coup, il avait ce truc de. Bah, c'est une scène, quoi, en fait. Quand t'es derrière le bar, tu fais des blagues et un truc. C'est ça. Donc moi j'ai grandi là-dedans. Des gens étaient plus clients de PMU. C'était croisé, du coup après. Bah voilà, c'est ça. Et toi t'avais ça aussi, t'avais quand même des gens marrants dans ta famille, Benjamin. Oui, oui, ouais. Ouais, mon daron était très marrant. Tout le monde était assez marrant quand même. Ouais. Je trouve il y a une lignée moi dans l'humour. Tu vois, moi tous mes potes marrants, quand tu regardes, soit ils ont une famille marrante ou ils ont des drames familiaux d'enfance. Voir les deux mélangés. Quand t'as les deux. Quand t'as les deux, ça fait 10 ans que tu fais un podcast, mon pote. Ouais, mais. Non, vas-y. Non, j'allais lui le relancer là-dessus. Mais donc, vas-y. Non, mais parce que je trouve qu'il y a un truc, c'est que quand t'as un père ou une mère qui est marrant, tu sais, enfin en tout cas, moi c'était ça, puissance 1000, tu sais que. Le moyen de lui plaire, c'est d'être marrant. Tu t'intéresses un truc comme ça, de genre, si je veux lui plaire, faut que je sois marrant. Drôle. Moi, c'était ça. Du coup, moi, c'était devenu une manie et une déformation presque. Et c'est aussi la qualité que moi, je préférais chez Daron, quoi. C'est-à-dire que ce que je préférais chez mon rep, c'est quand il faisait des blagues. Ouais. C'était le truc où je connectais le plus avec lui. Ou quand il te jetait à l'eau. Ou que justement, on regardait la télé. Ou que on regardait un truc marrant à la télé. Et tu faisais des films ou des trucs comme ça. Ouais, mais moi, je lui montrais pas, par contre. Mais c'est pas de sa faute. Enfin, ou peut-être de façon, faut que c'est de la tienne. Mais ouais, bah c'est bien. C'était le talent. T'avais fait des courts-métrages ou des trucs comme ça avec toi. Moi c'était plus les Nous c'est nous. Mais bon, je pense qu'il devait y avoir aussi les petites annonces des livres. C'était des courts-métrages plutôt, enfin des petites vidéos un peu drôles plutôt. Ouais, c'est ça. Mais on refaisait les sketchs. On refaisait les sketchs des Nous c'est nous, Bruno Salomon, Jean Dujardin, tout ça, des parodies. Les Robin des Bois, beaucoup aussi. Mais oui, c'était refaire ce truc-là. Et puis après, moi, je vous refaisais des films d'horreur aussi quand j'avais 16 ans. On en avait fait un avec mon frère aussi. On passait nos week-ends avec mes cousines ou mes cousins à faire des courts-métrages. Puis vous étiez nombreux, t'avais 5 frères, 4 frères et ça. Donc ça allait assez vite et ça s'appelait Au clair de la lune. C'était le nom du. Et la nuit, je me transforme en bête. Oh là là, le monstre. On peut y avoir accès, ça. Mon frère a toutes les cassettes. C'est vrai. Transformé en DVD, mais pouah, c'est vraiment l'archouma. T'avais quel âge? C'est mignon. Ah oui, j'étais tout petit quoi. J'étais trop bien. 23, 24 ans. C'était quand tu faisais de la danse là. Adrien, ça va? Dimanche dernier, près de Lyon, un homme a foncé avec sa voiture sur un policier. Mais c'est malheureusement un quiproquo. À votre avis, que s'est-il passé? Il voulait pas forcément faire de mal à la base. Il voulait faire une marche arrière, il s'est trompé. Non. Alors non, pardon, il voulait pas faire de mal. Il a visé le policier. Mais il croyait que c'était un cambrioleur et en fait c'était. Enfin, il croyait que c'était un malfrat. C'est un Lyonnais. C'est un Lyonnais. Et il a cru qu'il était arabe. Ouais, c'est ça. Ah merde, non, un portugais. Oh, excusez-moi. Des os. Mais des os. Mais à coup pas. Non, mais t'es j'ai vu une casquette. Pardon. Elle était à l'envers. J'ai cru que c'était un wesh. Non mais t'es plus ou moins dessus, Adrien. En fait c'est un mec qui s'est fait tirer son vélo. Et après, pour lui donner un petit peu raison à ce pauvre homme qui a quand même percuté un keuf, c'est qu'il a vu son vélo avec un gars dessus. Donc il se dit bon bah c'est mon voleur. Et en fait c'est le flic qui l'avait retrouvé et qui le ramenait. C'est ça. Wow. Après on peut c'est peut-être la belle histoire du week-end. Ah ouais, après on peut peut-être se dire que ce monsieur en voiture est peut-être un peu sanguin de percuter son voleur en voiture. Surtout que tu niques ton vélo. Ton quoi. Propre vélo c'est ça surtout. En fin d'après-midi, ce dimanche 16 avril, à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon, un homme arpentait les rues à la recherche du voleur de son vélo. Il a alors reconnu son vélo monté par un homme, en réalité fonctionnaire de la BAC. Sans réfléchir, le conducteur a percuté le policier avec sa voiture. Il voulait forcer le voleur présumé à ralentir. L'automobiliste ignorait que le fonctionnaire ramenait le vélo au commissariat après avoir interprété le véritable voleur. Donc c'est vraiment le gars qui a arrêté le voleur. Wow. Il l'a percuté en caisse. Ce dernier se trouvait également dans le fourgon de la police, prêt à être emmené au commissariat pour être placé en garde à vue. Le policier n'a été que légèrement blessé. L'homme qui voulait faire justice lui-même, le Batman, comme on peut l'appeler, a été interpellé et placé en garde à vue. Selon le procureur de la République, une enquête a été ouverte pour violence avec arme par destination. Le suspect remis en liberté sera convoqué prochainement par les autorités. Ça va, il croyait bien faire. C'est un sanguin. Est-ce que vous avez déjà volé des trucs, vous? Est-ce que vous avez déjà fait voler des trucs? Je croyais que la transition, c'est... Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un truc? Un flic ou autre, hein, j'ouvre la question. Hein. On n'est pas fermé ici. Non, vous avez déjà fait tirer des trucs? Oh oui. Ah ouais? Non, moi, je me suis fait voler des consoles de jeux, moi. Oh. En fait, voler... Quand c'est jeune, c'est relou. Ouais. Quand t'es jeune, c'est vraiment un Mais moi, il y en a... À Micromania, t'as voulu leur vendre, ils l'ont pris pour 8 euros. Non, moi, je me souviens d'un truc qui m'a foutu des angoisses gamin, mais pendant ce qui me semblait être des années, c'était sans doute beaucoup moins. En gros, j'avais prêté ma Game Boy à un gars de ma classe, et après l'année scolaire c'était fini, et en fait le gars c'était pas mon pote, donc du coup je le voyais jamais, et du coup le gars il avait ma Game Boy quoi, et donc déjà j'avais un peu le seum de me faire voler ma Game Boy et tout. Et je me souviens que dans ma tête, alors que c'était rien, tu vois, mais je me souviens de mon père qui appelait la meuf du gars, mais la meuf, il avait une meuf à 6 ans, non, la mère du gars. Oh le baiser. Et je sais pas, il s'était embrouillé et tout, et moi c'était une angoisse. Je sais pas pourquoi ça m'avait autant stressé ce truc de genre. Mais je pense qu'il y avait un truc, putain, c'est ma faute. Et puis c'est l'âge. Hein. Ouais, et puis bah, j'avais 8 ans, je crois. Tu vois, à cet âge-là, une Game Boy, mon gars. Et je me souviens, elle gueulait, mais tu sais, la meuf, tu sais, mon père, il avait dit, bon, bah peut-être rendez-nous la Game Boy, ça fait je sais pas combien de temps que vous l'avez et tout. Et elle, au lieu de dire, ah oui, désolé et tout. Elle avait un peu dit ouais c'est bon hein, en plus elle avait dit un truc genre en plus on l'a ouverte la Game Boy et puis il manquait des vis à l'intérieur et tout machin, donc t'as envie de dire qu'est-ce que t'as ouvert la Game Boy, ouais. Il avait à côté genre mais rends là en fait tu es en train de voler la Game Boy d'un enfant, et moi j'avais l'impression d'être pris dans un truc C'est fou, j'ai cru que t'allais raconter moi un truc qui m'est arrivé. C'est un mec m'avait fait chier à l'école et j'avais fini par le dire à ma mère, qu'on avait parlé à la mère du gamin, et la mère du gamin en fait était un peu tarée. Et il lui avait hurlé dessus devant moi en disant « Pourquoi t'as fait ça? T'es vraiment une merde, machin !» Et du coup, il s'est vengé. Et le mec s'est fait défoncer devant mes yeux. Ah non, toi, tu t'en voulais, du coup. Et moi, je m'en voulais, et il m'a défoncé derrière. Oh, wow. Parce qu'il y avait un truc genre « Tu répètes à personne que je t'ai vu, la espèce de grosse merde. » Et du coup, il me défonçait encore plus. Et j'étais dans ce truc de « Je t'ai vu te faire ramasser par... » La double peine, putain. Mais en plus, c'est horrible, parce que du coup, j'avais... de l'empathie un petit peu pour ce gars, oui, mais en même temps sa façon de créer des trucs c'était encore de me faire chier quoi, donc j'étais vraiment... Ouais, mais en même temps t'as Poucaf. Ouais. Ouais, c'est t'es vrai. T'es une pookie. Chicken pookie. Oh, ouais, non, bah moi je raccroche. Non mais attends, pas mal. Et toi t'as rien volé? Mourad. C'est pas la question. Ouais, la question c'était on t'a rien volé. On t'a rien. Oh, ah oui, bah non, je crois que t'allais un peu vite en besogne. C'est le personnage, c'est le personnage. J'ai un follow-up moi de mon histoire. Non, déjà volé. Figure-toi qu'une fois sur Lyon, je volais un vélo. Non, moi je me suis fait voler une fois un scooter, et quand t'arrives et que tu le vois pas. Tu continues de marcher, tu cherches et tout. Ouais, et après, en fait, tu sais. Et tu sais, mais quand t'apprends qu'en fait c'est la fourrière, tu te dis j'aurais préféré qu'on me le vole. Parce que ça va, faut aller le chercher, ça va te coûter une galère. Mais ouais, se faire voler. Je me suis fait cambrioler récemment. Ah ouais, cambriolage. Mais il y avait personne à la maison, donc ça va. Et ouais. Et s'il n'y a rien eu de. Ouais, non, ils ont pris de la merde, franchement. Ouais. Mais ouais. Le cambriolage, par contre, ça fait c'est chelou. Ouais. Les autres vols, il y a un truc de tu te fais barber, ça arrive, tu vois. Ouais. Mais cambriolage, c'est rentré à la baraque et ouais, tout. C'est rentré dans l'intimité là. Ouais. Et puis tu vois les vêtements, tout a été jeté, tu dis putain, faut tout refaire. Ouais. Tu sais, il y a le truc replier. Tout replier. Ouais. Et puis ça se trouve, ils ont mis des pièges. Moi, il y a toujours ce truc de. Ça se trouve, après, le soir, ça se trouve, ils sont marrants. Tu sais, ça veut dire, ils sont dit, ils volent, après, ils disent, hé, viens, on chie dans son lit. Moi, je me suis toujours dit, imagine. Et je dis à ma femme, je dis, avant de nous coucher le soir, je dis, vas-y, imagine, on ouvre le lit, on voit une grosse merde dans le lit. Et donc, en plus, faut changer les draps. Non, c'est beaucoup. Mais ouais, on s'est fait, ouais, c'est relou. Ah, très relou. Ouais, j'avoue. Et toi, tu t'es fait voler, toi? Non, rien. Ton vélo, tu t'es va, pas encore fait la vie parfaite, là. Tu sais qu'on est venu en vélo à deux, là, comme ouais, ça. J'étais à l'arrière. C'était derrière moi, en vélo. Un pote, Gaïa. Mais vous avez rue, c'est simple. On a su rester des enfants. Mais ouais, c'est ça. Le sinon, je vous chopera pas, vous. Mais non. Mais non, c'est ça. Il était là, il passait ses petits coups de fil derrière moi, t'épouse. Ah, mais attends. Ah, vous étiez sur le même vélo? Ouais. Non, ils ont loué un tandem. Ouais, je suis comme un vélo cargo, un peu. Cargo avec une petite place derrière pour les enfants. Ah, mais c'est à toi. C'est ton vélo. C'est mon vélo. Ah, mais Gaïa, mais je vois Gaïa. C'était. Attends, t'as un vélo. Je le voulais, j'ai failli moi j'étais devant là dans le sort de truc en bois le non, il était derrière. Tu peux mettre un vrai comme un c'est pas si mal en vrai. Non, j'étais bien derrière. Juste sur les petites secousses, ça fait mal aux fesses. Je suis ravi. Il est là Je vais montrer. Il voulait le voir. Non, je veux bien l'essayer. Non, mais tu vas avec plaisir. Avec plaisir. Mais à l'arrière, j'étais en mode pas mal. Moi, avec les enfants et tout, je peux me mettre derrière. Franchement, pas mal. Ok. Ouais, il est bien. Là, ok. Parce que moi, j'en ai un, mais des... bon, on voit. Je te montrerai avec grand plaisir. On verra ça en off. Tu l'avais pas un petit peu abandonné, toi, ton vélo? T'étais pas passé à la trottinette? Non, il me semble. Non, je me suis fait voler ma batterie il y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai, mon pauvre. Justement, pour rester dans le thème. Tout enlevé. Ouais, ouais, ouais. Se faire voler des batteries, tout ça, ça c'est une belle galère. Ça. Ouais, DOT, je crois que ça. Pas DOT, mais. Comment ça s'appelle? Lime. Non, le truc où c'est un abonnement. Ah oui, tout oui, monde, oui. Tout le monde se fait voler sa batterie. Parce que du coup, tout le monde se les revend. Ouais, bah moi aussi c'est. Et on en fait gagner deux d'ailleurs dans le podcast. Mais c'est pour ça. Moi, Dance, pardon. Parce que moi, c'est un vélo Décathlon. Je me suis fait voler la batterie. J'ai fait putain, mais qui vole des batteries quoi? C'est 425€, donc j'ai compris pourquoi voler les batteries. Ouais, bien sûr, pour des raisons évidentes. Ouais. C'était quoi le follow-up de ton histoire, Adrien? Non, c'est que je me suis refait voler, mais le même modus operandi, ma Nintendo 64. Par un gars que je connaissais. Mais pareil, un gars que je connaissais, mais en même temps, pas vraiment. J'avais pas son numéro, rien. Et je lui prête ma Nintendo 64 et on se perd de vue. Donc je suis genre, bon bah. C'était Carlito en plus. Non, et du coup j'étais genre, putain, je suis vraiment trop con, je me suis refait voler. Et à un moment, je vais prendre le RER et je vois, mais des mois plus tard, et je vois le gars. Et là, je prends mon courage à deux mains, mais c'est même pas pour lui mettre un coup de pression, je lui dis, ah salut, ça va et tout. Et du coup, ma console et tout. Et le mec, il me fait, ouais, putain, mais en fait, je l'avais laissé dans ma voiture et on me l'a volé, mais je vais te la rembourser, hein, t'inquiète, y a pas de problème et tout. Je fais, ouais, ok, bah trop cool, mec, bon bah. Trop tu cool. Me rembourses, ouais, bah cool, super et tout. Je repars et tout, je fais genre, yeah, je lui ai parlé, bien joué de ma part. Et je fais, j'ai toujours pas son numéro et tout, donc en fait, il m'a jamais remboursé, quoi. Si vraiment, j'étais genre, ouais. Ah si, un BMX, on m'avait volé. C'est un BMX que je pensais avoir bien planqué sans rien et tout. Ah bah oui, et bah vraiment ça. À Coulommiers, donc petite ville, et je vois le gars avec mon vélo. Ah bah évidemment. Dis, mais c'est mon vélo ça. Et vraiment pas un mec du tout dangereux ou quoi, mais il me fait non, c'est à moi. Ah non, je crois que tu l'as trouvé là. Et il dit non, c'est vraiment à moi. Vraiment, on est 100 jeunes dans cette ville. Je peux t'assurer que c'est vraiment. Allez, à moi. Je suis parti maintenant. Ouais, voilà. Il m'est arrivé moi la même chose, la même situation, sauf que moi je suis pas allé confronter à personne, mais genre cette année quoi. C'est-à-dire que moi j'ai un local à vélo. Je vais te le rendre le micro. Ça va. Il y a un local à vélo dans ma résidence, ouais. Et donc c'est vraiment pour rentrer dans ma résidence, faut biper. Ouais. Tu rentres dans le truc, tu rebipes une deuxième fois, tu rentres et après il y a. Ah, c'est forcément quelqu'un de l'immeuble. Voilà. Wow. Enfin. C'est ma théorie en tout cas. Et du coup moi je me disais, je vais pas mettre un antivol dans le local à vélo. C'est vraiment une forteresse. Et un jour je vais pour aller quelque part, il y a plus mon vélo. Donc je fais putain, je me suis fait voler mon vélo quoi. Et donc voilà ma vie. Et à un moment une semaine plus tard, je suis en train de parler avec ma gardienne. Et il y a une meuf qui arrive, exactement le même vélo que moi, mais je sais pas si vous voyez la marque, tu te rappelles vélo bécane? Bien sûr, c'est les vélos très caractéristiques avec les grosses roues et tout. Très vélo bécane. Le même que moi, vraiment. Et la meuf, elle arrive. Il y en a pas mille dans Paname. Elle fait ah salut, elle est là, elle parle avec la gardienne, oh là là. Machin, et elle rentre dans la porte là où il y a le local à vélo. Oh, t'as dû lui courir. Mais non, mais comment tu veux que je Tu sais que c'est le chien, quoi. Bah, je sais pas, non, donc j'ai rien dit. Je peux pas aller lui dire vous l'avez volé, tu vois. Bah, tu lui voles. Ouais, j'allais dire ça. Simplement, ça se vole, ça. Ça se vole. Peut-être qu'elle l'attache. Peut-être. Le problème, c'est ça. C'est que c'est ça. Wow. Mais en fait, je sais pas. Et en plus, mais elle a peut-être pas fait exprès. Bien sûr que si. Mais en même temps, c'est quelle audace. Si elle t'a tiré de vélo, elle revient. Elle revient. C'est vrai, tu peux pas lui. Moi, si elle habite là, la meuf. Elle habite là et tout. Et vraiment, je l'ai vu. J'ai fait. Mais c'est vraiment. C'est exactement le même vélo que moi. Ça peut pas être ton vélo. Mais ouais, j'imagine mais le avait problème c'est qu'il y a derrière il y a quand même écrit Adrien Amado. J'aurais aimé dessus et tout. Ouais. Mais normalement t'as un numéro hein. Mais ouais mais un numéro tu l'as jamais enregistré. Mais non, j'en sais rien. C'est là où je suis un con. Donc en vrai je me suis dit bah je suis un con. En parlant d'enregistrement, moi j'ai un pote s'est fait voler un vélo, il a mis un tracker et il m'a appelé il y a un mois, il me dit ouais, je l'ai retrouvé mon vélo et tout nanan, il me donne, je dis où, il me fait ouais, il est à Aubervilliers, tu viens avec quoi? Je dis jamais de la vie. Nique ta race. C'est mort, j'ai 38 ans, deux enfants, je vais venir avec toi, on va se faire niquer. Bah ouais, c'est sûr. C'est marrant. Alors je sais que c'est trop chiant de raconter ses rêves, mais j'ai fait exactement ce rêve, c'est-à-dire que je rêve qu'on me vole mon vélo, ouais. Et mais que j'avais un tracker dessus et je regarde et je vois il est dans une cité et dans mon rêve je suis courageux donc j'y vais tout seul. Et dans ton rêve t'es raciste malheureusement. En plus et j'y vais et je vois mon vélo et je fais putain il est même pas attaché et tout et donc je monte dessus, je me barre Et donc les rêves étant ce qu'ils sont, je suis en train de pédaler, je regarde le vélo, je fais, c'est pas du tout mon vélo. Mais c'est, comme c'est un rêve, c'est-à-dire que le vélo, il c'est a changé de totem complètement. Et je fais, putain. Et là aussi, comme c'est un rêve, je suis con, au lieu de le laisser et de rentrer chez WAM, je ramène le vélo, sauf que quand je le ramène, il y a le gars, il y a non, il y a le propriétaire du vélo qui est chez toi, qui est comme ça en train de faire putain. Et donc, et moi j'arrive et je fais, c'est parce que j'ai cru que c'était le mien et tout, enfin vieille victime quoi. Vraiment rêve très bizarre et vraiment. Même dans tes rêves, putain. Tu t'imposes pas. Et en plus, je me sentais trop raciste dans le rêve. Mais j'ai confondu, j'ai cru que c'était le mien. Oh non, je suis raciste dans mes rêves. J'en ai un dernier parce que ça fait 1h20 qu'on parle. Oh là là, mais quand merde. On passe, ah bon mais oui, mais quand on passe un bon moment, évidemment, au procès de Nicolas Sarkozy. Mais voilà, ah, le dessert. Ah ouais, voilà. Attends, là, elle est là ta meringue à la crème là. Regarde, là. Nicolas est innocent. On a vu un animateur de podcast pleurer. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Une jeune étudiante. Ah, c'est hyper intéressant. Ah ouais, ah ouais, ça, on a vu ça. C'est, ah, c'est magnifique. Ah, c'est incroyable. J'ai un grand col roulé. Une jeune étudiante risque également d'être condamnée pour vol. À votre avis, pour quelle raison? Ah putain, attends. Ça me dit. Non, je sais pas. Ah, c'est tombé aujourd'hui. Là, enfin, à l'heure où on enregistre. Waouh. C'est tombé. On est pile dans l'actu. Ah putain. Et ouais. Une étudiante française. Une étudiante française. Qui va être condamnée pour vol aussi, mais. Oui. Mais pas non, le même type de vol que lui. Ah bah non, parce qu'elle a pas volé des. Non, non, mais un scooter. Non, mais elle aurait pu oui, être oui, complice. Non, pas un scooter. Un scooter. Non. De la nourriture. Vélo. Pas de la nourriture, pas un vélo. Elle a détourné de l'argent. Elle n'a pas détourné d'argent. Elle a pris du ferme. Elle a. Alors pour le moment, elle a rien pris. Parce qu'en fait, c'est ça qui est un peu subtil. Et c'est en fait presque un énorme indice que je vais vous donner. Mais elle n'est pas jugée au procès de Nicolas Sarkozy. Ah, elle est victime de Nicolas Sarkozy. Elle n'est pas victime. Non, elle est témoin. Elle est pas. Non, elle est jugée, tu dis quand elle, même. Elle est pas jugée, mais elle a fait quelque chose de condamnable au procès de Nicolas Sarkozy. Ah, dans le procès. Voilà. Elle a pris une photo de Sarkozy. Non. Elle a dit elle a fait un snap. Elle a pas fait un snap. Elle a hurlé voleur. Non, ou elle a hurlé un truc. Non, non, non, non. Est-ce que attends. Et c'est Nicolas Sarkozy qui porte plainte. Ah non. Okay. Non, non, non, pas du tout. Ça, en fait, ça s'est passé au procès de Nicolas Sarkozy, mais ça a rien à voir avec Nicolas Sarkozy. C'est un avocat. Ah. C'est une étudiante en droit, pas une avocate. Ah. Elle a dit. Elle a divulgué elle les informations. Elle a dit Fabrice Arfi baise WAM. Non. Très bonne réponse de Benjamin. Très. Mais donc rien à voir avec Sarkozy. Ça aurait été le procès de n'importe oui. qui d'autre. Elle l'aurait fait. Enfin, c'est exactement. Un événement qui est décorrélé complètement. Exactement. De... Par contre, juste pour rappeler que Nicolas Sarkozy. Est... Ouais, oui, c'est pas le même. Je le dis, Fabrice Arfi. Ouais, moi je baise avec lui direct. Ah, on aime. Ah, ouais. Exceptionnel. Ouais, il y a une église, une église qui a été remise au milieu du village. Ouais, on en parlait, surtout la puissance pour expliquer des trucs. Moi, je suis Golemon. Moi, je suis un vrai Golemon. Ouais, pareil. Et vulgarisation, trucs, il fait du bien. Il est trop et ça fort. Se voit qu'il a une queue propre en plus. Oui, alors qu'il a une barbe un peu négligée. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. On dirait pas ça de tous les journalistes de gauche. Et là, il doit sentir bon. Elle doit sentir bon. Il y a de la droite en lui. Ouais, mais ce qu'il faut. Mais au bon endroit. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il est fort. Ah ouais, chaque fois. Droite c'est... dans le slope et gauche dans les idées. Gauche dans les idées. C'est ça la France qu'on veut. On l'a notre slogan. Putain, je me présente. Droite dans le slope, gauche dans les idées. C'est un putain de slogan en vrai. Ouais. On peut revenir là pour les élections. On sait qu'il y a des gens qui ont Photoshop dans le. Bien sûr, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a. C'est un rapport avec Internet? Non. Elle a violenté quelqu'un? Alors, elle a violenté personne. Elle s'est marrée pendant le. Non, elle s'est pas marrée. Mais c'est bien. Chercher la raison du truc, après, ça va être évident. Pourquoi? Est-ce que c'est genre un peu. Un accès de folie de sa part? Ou alors. Non, non, non. Maladresse? C'est en rapport avec le bracelet électronique de Sarkozy? Non, ça n'a pas de rapport avec le bracelet. Elle s'est mise au mauvais. Elle s'est assise à côté de Sarko alors qu'elle devait être dans les non, gens. En tout cas, ce qu'elle a fait, elle l'a fait de son propre chef. Okay. Que c'est pas un accident, c'est pas une erreur, elle l'a fait. Et elle l'avait déjà fait avant à d'autres procès. Ah. Et là, elle l'a fait. Est-ce qu'elle a pris la parole, genre, comme si elle était avocate? Elle objection! Ouais, non, mais tu vois, un truc comme ça, quoi. Non, non, non. Ah. Elle a ri. Elle n'a pas rigolé. Mais tu disais tout à l'heure, elle est avocate. Je dis non, elle est étudiante en droit. Mais effectivement, elle se faisait passer pour une avocate. Ah oui, c'est ça. Voilà. Oui. Mais dans quel but? Alors, dans quel but? Vous allez voir, c'est. D'espionner? Pas d'espionner. Non, vous allez voir, c'est assez des gros risques pour pas aller grand à chose. La cantine gratos. Non. Et là, moi j'aurais respecté. Alourdir la peine de Sarkozy, genre se faire passer. Ah non, parce qu'on a dit se faire passer pour l'avocate de Sarkozy. Non, elle a non, pas elle se fait passer pour une avocate, mais voilà. Pas celle de Sarkozy. Non, pas pour celle de Sarkozy. Okay. Mais elle s'est fait. Et elle l'a fait dans plusieurs procès. C'est un truc qu'elle a déjà fait par le passé, mais là elle s'est fait. Pour être bien placée, gauler. Quoi. Gauler. Elle s'est fait gauler, exactement. Pour être bien. Pas pour être bien placée, non. Putain, je l'ai lu. Pour avoir un avantage particulier, quoi. Non, pas spécialement. Attends, c'est un truc fou. Qui pourrait vous arriver dans la rue. C'est un truc qui peut arriver à plein de gens dans le métro. Elle se fait passer pour une avocate auprès de commis d'office, non? En tout cas, c'est pour rentrer au procès. Ouais. Voilà, elle se fait passer pour une avocate, mais pour faire quoi en fait? Pour faire quoi au sein de cette salle? Ah, d'accord. Ok. C'est pas. Je croyais que c'était. Ok. Et on cherche. Ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, est condamnable et va être condamnée. Voilà, par le parquet de Paris. Elle donc c'est pas est-ce c'est un truc qu'elle a fait avec son téléphone d'une certaine manière. Elle avait un T-Max sous sa robe. Personne l'avait fait auparavant. C'est un rodéo. C'est la première fois. Elle pas avec son téléphone, mais c'est lié à des téléphones. Ah, c'est lié à sur AirDrop. Okay. Non, non, ah ouais, le truc où tu non. Elle a récupéré le numéro de téléphone des accusés. Non, elle a pas récupéré le numéro de téléphone. Elle a pas non plus fait la légende urbaine des trucs que tu passes sans contact là. T'as, c'est le truc que dès que tu vois les gens ils disent c'est ça, tu vas dans le métro, tu peux voler l'argent des gens. Oui, bien sûr. Sûr que non. Sûr que non. C'est les terminales là que tu peux foutre. Mais attends, c'est lié au téléphone, mais d'une certaine manière. Pas son téléphone. Ouais, pas son téléphone. Ah, c'est pour voler des téléphones. Très bonne réponse. Ah, et voler de l'argent. Pickpocket. Mais ouais, les étudiants, c'est vraiment la galère. La vraie galère. Selon Paris-Match, une jeune femme. Pour voler des batteries de vélo. Parcoursup. Une jeune femme est suspectée, d'après Paris-Match, de s'être fait passer pour une auxiliaire de justice afin de voler dans les affaires de vrais avocats présents au procès. Voler à des avocats. Ça va. Par la suite, elle a été attrapée par les bolos riches. Elle a été surprise en essayant de dérober des téléphones portables appartenant aux avocats des parties civiles dans le dossier des soupçons de financement libyen. Procès dans lequel est jugé l'ancien président de la République. Elle se présentait aux audiences en robe d'avocat, toujours extrêmement souriante et sympathique, explique une source de l'affaire citée par Paris Match. Elle s'installait à côté des vrais avocats avant d'entamer la conversation, mais plusieurs avocats ont fini par se rendre compte du vol d'argent liquide dans leurs affaires après le départ de cette jeune femme. Elle est trop forte. Elle était avec moi à une audience la semaine dernière, elle m'a dérobé 500 balles, souligne une avocate parisienne. Elle ne plaidait jamais. Déjà, t'as 500 balles en espèces. Franchement, en vrai, elle a des infos, cette gamine. Cette étudiante, elle est quand même. Moi, tu me dis tout de suite, va. Trouve un endroit où des gens ont quand même 500 balles en espèces sur eux. En tout cas, les avocats, c'est une bonne piste, quoi. Là, visiblement, en tout cas, j'ai le prochain film à proposer à Laura Felpa. Oui. J'ai envie de voir ce film où elle arnaque des avocats. Avec Fianso en avocat. Elle ne plaidait jamais. Elle est restée à mon audience près de 4 heures avant de me dire qu'elle devait partir. Le parquet de Paris a confirmé ces informations, ajoutant que cette dernière est étudiante en droit, donc, et qu'elle avait déjà été condamnée pour vol par le passé. Une enquête a été ouverte. Mais quelle audace quand même d'aller au procès de Sarkozy pour tirer des portables et de la thune. Bah avec Sarko, tu sais qu'il y a du cash quand même. C'est ça, c'est peut-être qu'il a visé Sarko. Peut-être qu'il a visé Sarkozy. Et moi j'ai un peu un truc, si t'as 500 balles sur toi. Oui, moi je suis d'accord avec toi. C'est bizarre. Tu mérites un peu de te faire voler, quoi. Un petit peu, quoi. En fait, c'est toujours ce truc de. En tout cas, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Si tu te fais voler, c'est pas grave. C'est ça, c'est ça. 500 balles, c'est que tu. Pour toi, c'est pas grave d'avoir 500 balles sur soi. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est comme si moi je me faisais voler 10 ou 20 balles dans la rue. C'est ça. Je m'en remets, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est pas que tu mérites, mais c'est qu'il y a un côté. Ouais, si t'as 500 balles sur toi, c'est que tu les as pas rangées. Moi j'ai 500 balles, je les range comme un porc. Ah, ils sont pas en cash déjà. Quelle idée d'avoir 500 balles en cash. Mais cela dit, les portables, je comprends qu'ils soient un peu en flip quand même. Il peut y avoir des informations, t'as pas très envie que ça sorte. Oui. Je peux bon, comprendre. Après, ils ont pas le code non plus. Regardez-le, celui-là, l'enquêteur. Mais non, attends, là, je connais la tech un peu. Miel, de toute façon, ils mettent en main d'avion tout de suite, tu peux rien faire. Donc, oui, alors on va passer aux recommandations culturelles. Avant toute chose, j'aimerais quand même reparler un tout petit peu de L'Amour sur le côté, qui est sorti depuis mercredi. Voilà, je vous le dis, qui est assez en salle en ce moment. C'est en salle. Oui, on est sorti. Vous êtes sorti. Ouais, c'était cool, franchement. Oh, la soirée chiffre. Oh là là, quelle rigolade. Vous êtes régalé. Y'a qui en face déjà, L'Amour sur le côté, pour qu'on dise aux gens de pas y aller. J'essaye de pas savoir. Ah, tu veux pas savoir? Bah, je le dis pas alors, j'ai rien du tout. Non, mais vas-y si tu veux. Mais non, j'ai pas envie. Si tu veux pas savoir. En tout cas, c'est fou de faire les chiffres là, d'un petit truc en plus. Ça fait hyper plaisir. Écoute, on n'a pas fait exprès, c'est un accident. Non, mais franchement, bien joué à vous, j'ai envie de dire. Bien joué à vous, mais non, mais ça va très bien se passer, c'est les vacances et tout. Franchement, en tout cas, pour les monter des marches, moi je galère à trouver un costume. je veux pas faire de bad buzz, mais Gucci, vous êtes vraiment des bâtards. Faut pas vouloir me m'habiller. Non, mais c'est une comédie romantique parce que Je sais pas, qu'est-ce qui te saoule et qu'est-ce que t'aimes bien? Parce que j'ai l'impression que ça y est, ça commence à avoir des phrases un peu clichés sur ton film de hey, c'est une comédie qui y va quand même. C'est un peu, c'est un peu le renouveau de la comédie romantique, tout ça, ça va, tu kiffes, t'es ok avec non, tout ça? Non, il adore, il est ouais, adorant. Ouais, ouais, bah en fait, c'était un peu l'idée, c'était de sortir un petit peu des comédies classiques. Je pense ouais. qu'en France, là, on a essoré le truc. Ouais. Et que même les gens, ils ont plus envie d'aller mettre 12-14 balles au cinéma pour voir un film qu'ils ont déjà vu 60 fois quoi. Bah là il y a déjà le plaisir de toutes ces nouvelles têtes. Or la Tragnance qu'on adore évidemment, mais c'est vrai que Traniflard commence vraiment à avoir ses petites habitudes dans le cinoche. Ça y est, mais il a ses cartons hein. Il a ses cartons. On parle de lui. Quand on dit des scripts, on dit et pourquoi pas Tranier. Oui. C'est des phrases que j'ai entendues. Bah, généralement c'est ça, c'est Quenard ou Tranier, ça se bagarre. Ça dépend où tu peux mettre le film. Ouais, voilà, exactement. Mais il y a effectivement Hakim Gemili, Laura Felpin. Quand t'as écrit les bouquins, c'était une tu pensais déjà au cinéma ou pas du tout? T'étais juste non, j'ai envie de raconter ce truc-là. Ouais, c'était une histoire que je voulais raconter à l'écrit. Ouais. J'ai jamais. Pas de plan. Non, pas de plan. J'ai toujours aimé le cinoche, tout ça. Ça aurait été un truc. Je pense qu'on aime tous ici autour de la table à regarder des films. Et même n'importe quel être humain aime regarder des films, mais j'avais pas un plan de carrière, quoi. Ouais. J'avais pas un plan de carrière. Mais là, une fois que maintenant que t'as goûté à ça, tu dis ah, pas mal ou quand même t'as envie de faire un peu de tout? Non, j'ai envie de continuer ouais. parce que en fait, c'est le tournage. Ouais, c'est vrai. Le tournage, il y a un côté colonie de vacances, ouais, tu pars avec ouais. les potes et tout, tu c'est rigoles. Ça me rappelle l'enfance, moi, le tournage. Sauf qu'on est devenu mature, entre guillemets. Ouais, ouais. Mais tu vois, il y a un truc vraiment où ça rigole. Et, ouais. Mais je ne m'interdis pas d'aller retourner. Bah, déjà, je voudrais bien ressortir un roman et même aller sur de là. J'ai un projet de BD, tu vois. Je veux vraiment faire plein de petits trucs. Mais c'est vrai que tu avais plusieurs trucs, parce qu'à une époque, tu faisais de la scène aussi. Ouais, Steph. Franchement, ouais. J'ai pas fait beaucoup. J'ai fait deux ans. T'as pas kiffé? Non, j'aime pas. Ouais, non, mais c'est. J'aime pas, je pense que c'est pas. Et puis le concept de monter, je respecte, hein. Ouais, mais il y a un truc, moi, où, ça va, je sais plus, j'étais hyper mal à l'aise. Mais c'est après le Covid, c'est impossible pour moi de remonter sur scène. Ah, c'est marrant. T'es déjà monté? Non, jamais. T'as l'idée ou... À une époque, oui, mais maintenant, de moins en moins. Mais bon, pareil, même truc un peu de. Je sais pas. Et puis à force de voir trop plein d'humoristes, ça y est, ça m'a. Ouais, un peu aussi, j'avoue. Tu vois, c'est comme tout le monde m'a parlé de la série Adolescence. À ce qui paraît, elle est géniale. Et en fait, j'ai toujours pas regardé parce que tout le monde me dit ouais, c'est génial. Je suis en mode je suis un saumon, je suis à contre-courant. Oui, mais il y a aussi, je trouve, un côté où, genre, c'est bien aussi d'attendre pour que tes attentes elles baissent et quand tu le fasses sans te dire ça va être génial. Et en fait, t'es déçu tout de suite et ça gâche le truc, quoi. Donc, mais là, ouais, moi, plus ça va, moi, j'ai envie de faire de la scène, quoi. Mais et tu vois, par exemple, si j'avais l'idée, enfin l'envie de remonter sur scène, je pense que je ferais plus un truc de perso comme toi. Ah ouais, okay. Ouais. Putain, c'est marrant, Alors. Je te vois tellement pas là-dedans. Bah ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est parce que je me vois pas moi-même là-dedans que ça m'intéresse. Mais juste arriver, raconter sans mise en scène, raconter sa vie, je pense qu'il y a un plafond de verre qu'on peut péter, les stand-uppers, et il y a, enfin, les pièces de théâtre, il y a vraiment plein de trucs à faire, quoi. Ça, c'est cool. T'as, c'est marrant que tu parles de pièces de théâtre. À un moment, je me suis dit, why not en écrire une, tu vois. Pareil, moi j'aimerais trop. Bah, mais j'ai un truc de. C'est pas que, genre, le cinéma, je me sens légitime, mais ça a tellement été toute ma vie que je me dis, allez, à la limite, quitte à tenter un truc, c'est vraiment un truc qui a pris tellement de place dans ma life que je me sens de le faire. Mais le théâtre, vu que j'y suis pas souvent allé, j'ai un blocage qui dit, non, mais gars, il y a des mecs, comme toi avec le stand-up, il y a des mecs, c'est toute leur life, des meufs, c'est toute leur life, je vais essayer ce truc-là. Mais en fait, la légitimité, ça existe pas. Moi, là, je suis en train d'adapter le deuxième livre en pièce de théâtre. Ah, trop bien. C'est un autre exercice, tu vois. C'est vraiment, du coup, je vais regarder des pièces et tout. Ouais. Et c'est complètement différent. C'est un autre monde, c'est un autre public. Et là, du coup, ça m'intéresse. Moi, c'est ça un me fait vierge, trop envie le théâtre. Ah, c'est fou que tu fasses ça. Génial. Ouais, ouais. Toi, écrire, Benjamin, ça te ferait envie des trucs format plus long. De faire de l'humour, ça te ferait envie. Outre les spectacles. Non, j'avoue, la pièce de théâtre, c'est toujours un truc aussi qui m'a toujours plu. Parce que si tu peux le monter assez vite, c'est ce que tu fais. C'est à la bordure, en vrai, franchement. Mais pour d'autres, ça m'aurait bien plu aussi. Ou jouer dedans avec d'autres gens, ça peut être assez sympa, un peu avoir un peu une troupe, quoi. Ouais. Mais on va faire un truc. Mais en vrai, ça pourrait être assez cool, mais c'est fou. D'une prenant. Après, je pense que on peut monter un truc avec nos petits noms. Je pense que ça peut être plus facile de monter quelque chose quand même. Ouais. Mais ça me plairait bien. Après, effectivement, il y a tellement de trucs qui ont été faits, c'est dur de pas faire une. Mais le texte. Après, on n'est pas obligé de réinventer la roue pour faire un truc bien. Mais il y a quand même des gens connus qui écrivent des pièces et les montent, et c'est des catastrophes. Et ils se remettent pas en question, c'est pas du tout plein, et ouais. ils ont quand même pu, ils ont été payés pour le faire, et tu te dis ouais. c'est fou, il a gagné de l'argent ce garçon, alors c'est vraiment une dope quoi. Et, donc, et le cinéma, ça te ferait envie d'écrire? Ouais, j'aime bien. De tourner? J'ai tourné toujours, mais ouais. Avec Zaïd, on écrit un peu des petites choses et tout, ouais. Donc que vous aviez reçu. Bien sûr, mais, on adore. Moi j'aime beaucoup ça, mais je suis beaucoup moins tu vois, on en parlait avec Mourad, mais Mourad, ça l'excite carrément d'être sur un bureau. Son ordi ouvert ah. et d'être ah ouais. seul. Moi, moi aussi, c'est mon angoisse. Ah, ah ouais, t'aimes ah ouais. ça. Je déteste moi, ça. Moi, en été, hein. En ouais. été, il fait ah ouais. tout le monde est dehors, tu sors. Non, je suis tout seul chez moi. Horrible. Je mets les volets, je me mets vraiment bien de la glace et j'écris, c'est trop bien. Ah, mais ouais. dans le train qui mène à l'Alpe d'Huez, ça m'a choqué parce que moi, je me souviens de mon Alpe d'Huez où j'arrivais pas à parler aux gens, j'étais angoissé, stressé, pas bien. Lui, il écrivait déjà le truc d'après, quoi. Moi, mon cerveau, il était bloqué sur mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Peut-être tout se joue maintenant. Toi, ouais. t'étais déjà dans le truc d'après. Fort. J'ai vraiment passion, mais je pense qu'il y a un truc thérapeutique aussi, moi, avec l'écriture. Ouais, bien sûr. L'enfance. La maman qui me disait pas je t'aime. Non, mais effectivement, oui, mais c'est vrai que sur le. Tu vois, on a un pitch de film qu'on avait déjà bossé, on a un peu mis de côté parce qu'on a nos carrières respectives avec Binge. Et on s'est dit à un moment donné sur Santa Claus, mm-hmm. on s'était dit putain, viens, on le fait en pièce de théâtre. Ouais. Et en vrai, ça marche tellement en pièce de théâtre. On s'est dit avec Zaïd, Binge et Alexandre Kominek, à un moment donné, on va se barrer 3-4 jours. Au moins se mettre au vert ensemble sur ce projet et on décide est-ce qu'on se met à fond théâtre ou à fond ciné. C'est trop bien. Moi, des fois, parce que, et en plus, j'ai l'impression que toi aussi, après, ton film a de très belles images, mais moi j'aime bien quand ça tchatche aussi. Et des fois, je me dis, putain, le théâtre ça autorise plus de gens qui discutent que le cinéma où t'as quand même besoin qu'il se passe des trucs et que tu vois. Mais moi, c'est pour ça que je m'étais dit que j'aimerais bien écrire du théâtre parce que je me suis rendu compte déjà que mes films préférés. C'était et aussi même tous les sketchs que j'ai fait, c'était toujours des trucs très beaucoup de dialogues. Ta patte, c'est plutôt dans les dialogues, personnages, bien et sûr. Du coup je me suis dit mais en fait le théâtre ce serait hyper logique quoi. Venez, on fait ça, qu'est-ce qu'on fait, merde. Je pense à Brass en plus. Les vieux qui vont au théâtre, ils ont de l'oseille. Michel X, ça va très bien pour lui. C'est marrant, c'est là où je sais pas si tu vois, à la limite, parce que quand on parlait de mon film, on disait ah ouais, le public du flogage, je pense qu'une partie du public irait au cinéma. Je sais pas si une partie du public irait au théâtre, tu vois. C'est quand même des habitudes pas très jeunes, j'ai l'impression. C'est vrai. Après, on a. On vieillit après. Il faut essayer aussi. On a un public qui est très fidèle aussi. Quoi. C'est vrai. Je m'en suis rendu compte hier. C'est cool. C'est ouf. Moi, c'est trop marrant de temps en temps dans le spectacle, vraiment de temps en temps. Ça m'arrive quelques fois de faire on l'embrasse où qu'il soit, et certainement il doit s'amuser avec des proches et Coluche qui est pour vous. Je le dis de temps en temps. Et quand je le dis, j'ai toujours deux trois personnes qui font ouais. Je sais que c'est les trois Goliots des podcasts, c'est Adrien et moi maintenant, qui capent direct. Et à la sortie, ils me le disent, mais merci la petite ref, ou de temps en temps à faire ses saxes, ou tu vois, c'est trop marrant. Et t'entends 3-4 personnes rire aux éclats, tu sais que c'est une ref que personne d'autre peut exactement avoir. Ah, ça tue. Voilà, ça tue. C'est trop kiffant. Et t'as kiffé, alors je vais pas te dire, t'as kiffé bosser avec moi, j'imagine que oui, mais. C'est un de tes plus gros rôles au cinéma, j'ai tout l'impression. À fait, en tant que pied de la lampe, Maria, t'avais aussi un joli rôle, mais j'ai l'impression que là c'est un gros. Tu veux de plus en plus jouer au cinéma, c'est un truc j'aimerais bien. C'est un plaisir que t'as. Super cool. Et puis, comme on disait précédemment, moi j'ai des parents qui m'aimaient, donc j'ai pas fait de colonie ou de vacances. Donc j'étais en vacances avec ma famille, quoi. Et j'avoue, le côté colo de tournage est hyper cool. Tu vois, c'est trop marrant à quel point les gens. Alors j'arrive à avoir un peu de détachement parce que je suis pas à premier rôle, donc je suis pas à chaque fois tourné toute la journée. Mais ce côté où les gens se disent, ah oh, ça va être putain, et on se voit demain. Le film est fini, mais demain on part en vacances ensemble. Alors, tout le monde s'en. Jamais. Mais c'est trop marrant ce truc de colonie de vacances. C'est tellement dur là de pas se voir avant la promo et en fait non, une fois que t'es le lendemain, la vie reprend son cours. Qui est comme la colo, tu vois. Et c'est ça que j'adore, tu vois, ce côté, c'est hyper intense tout de suite. Et quand c'est fini, c'est fini. Je veux dire, focus, c'est ça que tu veux dire. Focus, c'est parce qu'il y a une date butoir, tu sais, voilà, il y a tant de semaines de tournage. En même temps, je trouve ça trop cool le côté d'intensité, de comme si on était les meilleurs amis du monde pendant 35 jours. Je trouve ça un peu drôle. Quoi. Et puis, dans le côté colo, c'est même le côté fac. de on a tous la même passion. Ça, je trouve ça complètement ouf. C'est-à-dire que tout le monde kiffe le même truc, que ce soit régisseur, acteur, tout le monde est fou de cinéma et veut faire un bon film. Ouais. Moi, ça m'a, c'est une des plus, humainement, c'est une des plus belles expériences de ma vie. Ouais. C'est pour ça que il y a rien qui peut battre, je trouve, faire des films. Mmh. Dans moi, mon expérience de kiff, c'est putain, on est tous réunis avec la même, le même, même amour. Objectif, quoi, et vu que c'est pas si facile d'y entrer, en plus, c'est que des gens qui sont un peu battus. Il y a des gens qui ont des facilités, mais beaucoup de gens qui se sont battus, et c'est trop bien de se retrouver ensemble. Ouais. Et ça, c'est vrai que t'as vite envie de recommencer, quoi. Ouais, t'as envie de repartir. Après, c'est, c'est peut-être méchant pour ta fille. De dire ça. Non, mais, de toute façon, c'est soit elle en fera, soit elle détestera. Il y a pas d'entre deux, hein, de toute façon. Non, mais en termes de. C'est vrai qu'il n'y a pas plus fort. Moi, le dernier jour de tournage, la dernière prise, il y a un truc de. Ah, ça y est, c'est fini, c'était trop bien. Il y a des vidéos où je pleure et tout, je suis dégoûté, ils ont tous. Le producteur, il y a la vidéo, vraiment, il te zoom et tout. Bah moi c'était moi j'étais son dernier plan c'était mon premier jour de tournage donc c'était horrible parce qu'il nous faisait refaire. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe, je suis nul. Tu voulais pas que ça s'arrête. Et bon, mais du coup je l'ai fini par le comprendre, mais moi je pense qu'il y a ça, parce que ce qu'on m'a dit après, c'est un réel sur un premier film, on voit vraiment à la fin. Est-ce qu'il a la capacité d'en faire d'autres? Dans le sens où, est-ce que c'est son premier, c'est son dernier, et en fait, il a détesté l'expérience, ou est-ce qu'il a adoré l'expérience? Et c'est rare, il y en a, ils ont détesté l'expérience. C'est vrai. Pour eux, c'est trop de pression, trop de choses à régler. Et en fait, moi, ça m'a rappelé le vestiaire. Moi, quand j'étais gamin, j'ai toujours été capitaine de mes équipes et tout. Donc, il y avait un truc de vas-y, je suis le patron et tout tient sur moi. Et plus il y a de la pression, plus je suis content. Et là, ça, sur c'est la mon fin, angoisse. À moi, c'était. De quoi, de tout gérer? Réel, quand je vois. Tout ce qu'il faut gérer, mais c'est atroce. Oui, mais il y a un truc qui est cool. Pardon, vas-y. Non, mais je trouve que. Enfin, j'ai pas eu une méga expérience de réal, c'était des petits trucs. Mais je trouve qu'il y a un côté. Oui, il y a beaucoup de responsabilités, mais en même temps, il y a tellement de postes de un tel qui est là pour te dire tu dois gérer tel truc. Et que c'est vachement compartimenté. Et puis les gens sont. Et c'est aussi. Avec toi, t'as des gens qui sont hyper passionnés. C'est ça. Concrètement, tu sais très bien qu'ils vont vouloir bien le faire, donc tu peux leur faire confiance. Si c'est juste un taf où tu délègues. Et l'autre il est là 35 heures, il s'en bat les couilles, c'est juste son CDI. Bah toujours tu peux avoir plus de stress. Là tu sais que ça va bien être fait, tu te focuses sur la mise en scène, et puis si t'as bien préparé ton film, normalement c'est. C'est vrai que j'ai l'impression que toi aussi on a eu de la chance aussi avec nos équipes. C'est vrai qu'il y a des tournages qui sont durs parce que d'un coup ça matche pas avec un directeur photo ou je sais pas quoi. Moi c'est vrai que là tu vois sur le deuxième je veux prendre quasiment à 100% la même équipe. Il fait pareil. Tu vois, parce que ça s'est trop bien passé. Mais c'est vrai qu'en plus là dans l'amour sur côté il y a presque un truc. Générationnel, je trouve que tu disais des petits adjectifs qui font plaisir. Non, mais c'est vrai. C'est une petite bombe de comédie pour moi. ça nous a tué cette critique. C'est relou parce que t'as envie de les. Le parisien, celle-ci. T'as envie de les mettre, mais tu te sens un peu mal à l'aise. Bah, tu te sens mal à l'aise, mais tu te rends compte qu'en fait, moi, c'est ça, c'est qu'on se fout toujours de la gueule de tout le monde. Nous, c'est notre vie, on fait que ça. Mais quand tu rentres vraiment dans quelque chose, dans de l'art, mais industriel, t'es obligé de faire pareil, t'es obligé d'être clair, t'es obligé d'être concis. Et tout ce que tu rigolais avant, bah tu fais pareil et ouais, c'est relou quoi. Moi j'ai lutté 2 semaines sur un Little Miss Sunshine à la française où j'ai fait non mais les gars. Ah ouais, on t'a proposé ça. Non mais parce que quelqu'un l'avait dit, je crois que c'est 20 minutes. Alors on n'invente pas les critiques, peut-être certains le font, mais on n'a pas inventé les critiques, c'est des vraies phrases de critiques. Ah d'accord, oui, vous les citez. Et ils voulaient mettre ça sur les trucs d'affiche. J'ai fait ouais, les gars, c'est vraiment bien Little Miss Sunshine. En plus, moi je sais ce qu'est mon film. Du coup, sais que c'est un bon petit film sympa, mais c'est pas un chef-d'œuvre absolu. Ouais, puis les trucs de comparaison, c'est toujours un peu bancal, je trouve. Attention, et ça met la pression. On a fini. Non, on l'a fini. On a fini par le mettre. Je n'ai pas hésité. Et j'avais moi-même mis le commentaire. Non, mais parce que je disais. Non mais les gens vont dire vous êtes de notre gueule. Évidemment que c'est pas un Little Miss Sunshine. Évidemment que c'est moins bien. Au bout d'un moment je lâche parce que bah on a des bonnes critiques. Vas-y, ça fait toujours du bien. Et quand le truc sort, il y a des gens qui disent ouais, enfin c'est pas un Little Miss Sunshine à française, mes couilles. Ouais. C'est vraiment pas aussi bien. Je le sentais. Putain. On avait dit à la française. C'est ça qui veut dire que c'est moins bien. Non mais moi qui suis toujours en train de citer Judd Apatow etc. Moi j'ai retrouvé ça chez toi de génération. De tout le monde a dans la trentaine entre guillemets et tout le monde est grave marrant et donc il y a Hakim, Laura, Benjamin, mais moi j'ai été bluffé par Abdoulaye Sissoko qui est extraordinaire. Il y a aussi du François Damiens qui fait plaisir, masqué. Bien sûr, ouais, un plaisir de le voir. Là où on veut le voir. J'ose pas trop en dire parce que moi, il y avait plein de trucs que je savais pas. Ouais. Là, la promo le dit un peu et ouais. C'est pas, je trouve ça dommage. Nous, pour on est le un peu contre le. Voilà, ouais, ouais, ouais, je suis pas. Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est toujours les débats qu'on a avec le marketing. Tu leur dis, j'ai pas envie de trop de donner. Ils veulent tout donner. Et ils veulent tout donner et ils disent, mais en même temps, il y a des gens, il faut tout leur donner pour qu'ils aillent au cinéma. Et t'ouvres le spectre. T'as besoin quand même d'aller chercher un public qui est pas forcément adepte de ton cinéma, de ton style. Et quand tu vois Hakim et Laura sur une affiche, ouais. T'as des gens qui les voient comme Annick et Hakim qui étaient au Whoop. Ouais. Tu ouais, vois ce que je veux dire, ouais, ouais. Ils n'arrivent pas encore à se projeter sur le fait que c'est des grands comédiens. Ouais, ouais. Et du coup, bah, t'es obligé de survendre le film. Et... Donc moi, je vais pas tout dire. Je vais juste dire que moi j'ai rigolé et j'ai pleuré. Ça fait plaisir de voir des gens que moi j'adore ou de Benjamin que je trouve effectivement hilarant dans le film. Des gens que j'adore ou Benjamin. Outre Benjamin. Ah pardon. Mais moi aussi j'adore ça. Il est coquin. Moi j'allais faire un cœur et j'avais bien entendu outre. J'ai dit outre okay, Benjamin. Okay. Non, Laura Felpin, Hakim Gemini. Bon, c'est des gens qu'on a déjà reçus 6000 fois, donc vous savez qu'on les adore. Mais Hakim, je trouve qu'il a jamais été aussi bon. Vraiment, c'est incroyable parce que c'est pas qu'il est mauvais d'habitude, non, mais là il y a un spectre. Voilà, ouais, c'est ouais, ça. C'est que. Je dis ouais, j'ai pas vu le film. C'est ce que j'ai entendu. Voilà, L'amour c'est surcoté, écrit et réalisé par Mourad Winter. C'est au cinéma depuis mercredi. N'hésitez pas. Et si je peux rajouter un truc, mais je le dis à chaque fois, mais je trouve ça a son importance. À la fin du film, t'as envie de dire aux gens que tu les aimes, donc aussi bien ton mec, ta meuf, tes potes, ta famille, que tu les aimes. Ouais. Alors vraiment, les gens que t'aimes, t'as vraiment envie de leur dire que tu les aimes. Et c'est même parfois des journalistes hier qui nous disaient, tain, c'est fou, moi en sortant de la séance, et toi aussi tu me l'avais dit, t'as envie d'écrire à ta meuf en disant que tu l'aimes ou à ton meilleur pote ou machin. Et je trouvais ça pas mal. Mais on a quand même d'autres recommandations culturelles parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Ouais. S'il y a des films, des livres, des albums de musique, des albums de musique, quel ringard je suis. Putain. Enfoiré de merde. Ouais, gifle-moi. Du théâtre, vu qu'apparemment je suis avec un théâtreux maintenant autour de la table. Je mets mes lunettes. Oh, il met ses lunettes, celui-là. Oh non, celui-là. Non, voilà, ça peut être plein de choses. Si tu commençais pour une fois, Florent. Eh ben, je vais commencer. Ah ouais, j'ai rien. Alors, je vous le dis, évidemment. Laurent. Laurent, je vous le dis. Ouais. Ouais, bah, pourquoi, et ben pourquoi pas. Ouais, alors, ça me va très bien. C'est le premier. Ouais. Il arrive un peu tard. Ouais. Mais ouais, il est là. Il est là. Vous avez 12 balles à mettre au cinéma, vous allez voir La Mort sur le côté, évidemment. Bien mais il y a un autre film que j'ai trouvé très cool, très sympa, et je m'y attendais pas. Et pour le coup, je n'ai rien regardé. Et après, j'ai regardé la bande annonce et j'ai fait, bah, ils gâchent tout dans la bande annonce parce qu'ils disent trop de choses. Ok. Ça s'appelle Sinners. Alors, c'est un peu un gros film, un peu blockbuster. C'est réalisé par Ryan Coogler. C'est avec Rami Malek, c'est ça? C'est avec Michael B. Jordan. Non, ça c'est Amateur. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est pour voir ce que tu es. T'inquiète, je suis là. Parce que moi, je suis pointu sur le ciné, donc tu m'auras pas. C'est Michael B. Jordan. C'est ça, ouais, il est sorti aujourd'hui. Je suis allé le voir ce matin. Et c'est pas un joueur de basket, essaye pas de m'avoir. Alors, c'est exactement ce qu'il faut pas dire, Mourad, donc je vais. Ah, ils le disent dans la bande annonce. Ouais, ils le disent dans la bande annonce. Attends, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Mais c'est dans la bande annonce. Et moi, j'ai pas entendu. J'ai rien dit. Non, mais faut rien dire. Mais effectivement, c'est un film. C'est avec Michael B. Jordan. Et en gros, c'est deux frères jumeaux. Michael B. Jordan joue les deux. Qui décident. Joue les deux frères qui ouvrent un club de blues. Pardon, j'imagine juste Michael B. Jordan et Joule qui jouent des jumeaux. Ah, au théâtre? Pourquoi pas? Allez, c'est le moment. Voilà, et ils ouvrent un club de blues dans le sud des États-Unis, ouais. Où il y a encore des Roland de Ku Klux Klan, etc., etc. Et le film va basculer dans un truc un petit peu fantastique. Voilà, j'en dis pas plus. Mais ça dure. Alors, j'ai trouvé ça un tout. Si je peux me permettre une critique, je suis une merde. C'est un petit peu long. Mais moi, c'est juste que je m'ennuie vite au cinéma. Ça dure 2h20. Oh. Mais, j'ai trouvé ça super beau. Je trouve que tu ne peux pas deviner ce qui va se passer. Les acteurs sont ouf. Michael B. Jordan, on sait qu'il est incroyable. Mais là, franchement, il est exceptionnel. Il y a Hayley Steinfeld aussi, qui est une actrice que j'adore. Bref, c'est vachement bien. Moi, je suis en plus. À la base, j'étais méga fan de Ryan Coogler. Enfin, j'avais adoré son premier film qui s'appelle Fruitvale Station. Et après, il avait fait le premier Creed que j'avais adoré aussi. Mm-hmm. J'étais un peu moins rentré dans les trucs Black Panther. Et là, j'ai l'impression de retrouver ce que j'aime chez lui. Raciste, c'est ça que j'ai rien dit. J'ai adoré Creed. Je suis pas raciste, j'ai adoré Creed. Non, mais j'adore Marvel. J'ai un petit peu moins aimé Black Panther. Mais j'ai adoré Iron Man parce que c'est un peu Elon Captain Musk. Captain America, voilà, c'est mon préféré. Je suis pas raciste. Mais justement, Sinners, ce qui est vachement bien, c'est que ça questionne évidemment aussi tout le rapport des États-Unis avec la communauté noire américaine et tout le racisme, etc. Mais c'est aussi un film qui fait plaisir. Il y a des moments que j'aime bien au cinéma de ah putain là ça fait plaisir, là c'est badass, là ça c'est du vrai sinoche dans la gueule, et, je suis un pur beauf, j'en ai rien à foutre mais j'adore, tu vois. Et ça s'appelle Sinner, c'est réalisé et écrit par Ryan Coogler, et j'ai trouvé que c'était un... Ouais, j'en suis sorti content, j'ai eu des rires de plaisir au cinéma. Tu sais, quand il se passe un truc un peu ouf et tu fais oh putain, j'ai eu des vrais. Voilà, j'étais tout seul à 9h, à 9h30, non, à 10h15 au Pathé Weppler et j'ai trop kiffé. Donc voilà, ça s'appelle Sinners, c'est au cinéma. C'est, ça n'a rien à voir avec La Mort surcoté, donc vous pouvez vous faire les deux. Mais c'est ouais. vachement bien et voilà, je vous le conseille. Adrien Méniel. Non, alors, non. Non. Alors moi, je. Eh ben, Benjamin Tranier. Alors il y a deux trucs que je peux recommander. Le premier, c'est une série qui, bah, peut-être que quelqu'un en a déjà parlé, qui s'appelle The Studio avec Ah, bien sûr. Super. Ouais, putain, j'en ai déjà parlé de celui-là ? Non, on en a pas parlé parce que moi j'attendais que ce soit fini. Putain, j'allais le dire. Ah mince. Bien joué. Désolé. Mais c'est génial. Qui est super. Franchement, ouais, c'est génial. Faut que je m'y mette. C'est trop bien écrit, la réal est super aussi. Et tu peux raconter un peu ce que ça raconte ? En gros, c'est la vie d'un gros studio américain. Comment ça se passe un peu l'achat d'un film, le développement d'un film. Donc t'as voilà un peu le in quoi. Mmh. Et c'est joué par Seth Rogen qui joue le boss d'un gros studio américain, le nouveau boss d'ailleurs, on peut dire nouveau boss, qui du coup découvre un peu le métier aussi. Exactement. Et est pas très bon entre guillemets, enfin voilà. Et ça explique un peu des trucs comme Minecraft, tu vois. Pourquoi il y a ces trucs là, etc. Donc c'est assez marrant. Ouais, et cool. La réal est un peu plan séquence et tout ça, donc c'est vraiment très cool, à la Birdman un petit peu. Exactement. Ouais. Et donc ça j'ai beaucoup aimé. Et une petite BD mais qui est très connue, alors les gens qui écoutent et qui aiment bien la BD vont faire ah, gars, tu conseilles un truc, mais pour ceux qui ne lisent pas de BD je vous la conseille. Ouais. C'est Il faut flinguer Ramirez. Il y a eu deux tomes et les tomes, la suite va arriver dans 8 ans, mais le pauvre, le gars qui a fait la BD, il se fait harceler que par des gremlins qui sont là, mais on veut la suite. Et là il fait des posts quasiment toutes les deux semaines en disant arrêtez de me saouler, je le ferai quand je le ferai et tout, bref. Et c'est trop bien. Ouais. C'est vraiment Tarantino à lire, et la lecture est faite de telle manière où t'es vraiment plongé comme dans un film. Ouais. C'est ouf. Et il y a des fausses pubs calées entre. Ouais. C'est trop. Vraiment, je le conseille à tout le monde. Voilà, vraiment trop bien. Il faut flinguer Ramirez. Il faut flinguer Ramirez. Et pendant qu'il cherche, parce que je vois qu'il cherche. Et qui est l'auteur? L'auteur, c'est une bonne question. L'auteur s'appelle. Mais si, tu le savais, tu me l'as dit tout à l'heure en antenne, je me souviens. Je te l'ai dit. Mais oui, tu me l'as dit. Tu n'arrêtes pas de dire oui, c'est Nicolas Pétrimo. C'est Nicolas Pétrimo. C'est Nicolas Pétrimo, exactement. Pardon. Je me rappelle que tu avais dit ça. Et j'ai rematé, parce que je vois qu'il est là. Je vous le conseille si vous avez des gosses, parce que j'ai été trop content de leur voir. Last Action Hero, qui est sur Netflix. Bien sûr. Exceptionnel. Classique. Pour ceux qui l'ont pas vu. Classique des classiques. Bien sûr, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, voilà. Chef-d'œuvre. Moi, j'allais dire pareil, super. The Studio. Ouais, c'est super. Génial, ça. Ouais, c'est super. Putain, je l'ai lu il y a deux jours. Ça s'appelle De Rien de Geoffroy Monde. Ah, oui, la BD est très très gaulerie. Je l'ai pas lu, mais il paraît que c'est vraiment. Il y a c'est super marrant. Ça me rappelait Zai Zai Zai. Vraiment, je suis très bien fan dans ce délire là. Et moi, je commence en fait tout ce qui est BD. Ok, j'ai jamais été dedans. Ça fait un an et demi. Je commence à bien kiffer. J'en donne un petit peu à mon fils. Il s'y met lui aussi. Du coup, il y a un truc. Je connaissais pas cette histoire d'un peu de transmission avec les gosses autour de la BD. Ouais. Et en fait, comme je vois autour de moi, tout le monde me parle de BD, me dit ouais, moi quand j'étais petit, j'avais ça. Mm. J'ai envie de le ramener à mon fils et en même temps, bah, moi j'apprends quoi. Génial. Et j'ai commandé justement, il faut flinguer Ramirez. Je l'ai reçu là. Tu vas kiffer. Mais comme je suis en déménagement, j'ai tout mis dans les cartons comme un Gaulmont. Ah merde, mais c'est un peu con. Mais ouais. Non, de rien, très marrant. Ouais, ouais de ouais. rien, très marrant. Sinon, en film, mais c'est sur MyCanal, c'est en ce moment, c'est ni chaîne, ni. Oui. Maître. Ni maître, ouais. De Simon Moutaïrou, qui est vraiment pas mal. Ouais, super. Vraiment, film. Super film qui était sorti, je crois, cet été au ciné, en septembre ouais. dernier. Et vraiment pas mal, le gars, en plus, le réal est un chic type. Et, franchement, tu peux dire de quoi ça parle, vite fait, pour les. Bon, ça parle d'esclavage. Ouais. Du coup, c'est un truc super feel good. Ça dépend de quel côté tu regardes le film. Mais, ça dépend de la période et de quel côté tu places. Là, il y a un Benoît Magimel grandiose dedans. Ouais. Vraiment, c'est super enrichissant comme film. Trop bien. Michel Nimet sur Canal. Adrien. Ouais. Alors moi, c'est pas très original. C'est la saison 2 de The Last of Us. Oui. Avant-hier, je me suis mis. Donc il y a le premier épisode. Ils ont mis combien d'épisodes encore ? Comment ? Ils là, y a, c'est un par semaine, ouais. Et du coup, je me suis mis. Alors, il y a zéro spoil dans ce que je vais dire, évidemment. Hein. Mais en gros, je me suis mis le premier épisode. et ils font ce truc un peu relou qui est genre le premier épisode de la saison 2. En fait, ça revient bien avant tout ce que t'as vu dans la saison 2. Ça, j'aime pas trop, mais bon. Donc, je mate le premier épisode. Et c'est vraiment avant même qu'il y ait des zombies et tout quoi. D'accord. Et donc je fais putain relou, nanana, je regarde mais je me dis que ça va raconter des trucs sur l'histoire d'après, que ça va être utile et tout. Et tout bonnement, au bout d'une demi-heure, je me suis rendu compte que je regardais l'épisode 1 de la saison 1 que j'avais déjà vu. Et du coup, j'étais tellement dégoûté que j'ai pas regardé la saison 2. Donc j'ai pas de recommandation culturelle. Ça me fait rien sur En Place. Ah ouais. Ouais, la saison 2 d'En Place, je faisais. Putain, ça ressemble quand même vachement à la saison 1 au bout de 15 minutes, comme un golemon. Ah putain! Ah, mais moi, vraiment, je me suis vraiment. Là, je me suis dit, quel naufrage ma vie, quoi. Parce que en plus, moi, je me disais, ah ouais, il raconte quand même, il donne des détails en plus par. Non, non, c'est le même épisode que tu regardes. Mais tu t'en as rendu compte jusqu'à la fin? Non. Non, non, à la moitié de l'épisode quand même, donc c'est une bonne demi-heure, je pense. Ouais. Vraiment, quand il rentre dans le pick-up et qu'il prend sa fille et qu'il fait, ah, on se casse et ça explose et tout, je fais. C'est attends, ça c'est vraiment le début du jeu et tout. Et je regarde, je fais bah oui, pauvre con, t'es en train de regarder la saison 1. Donc et c'est, vraiment. C'est ta reco du coup. Bah non, du coup j'ai pas de reco quoi. J'ai rien quoi. Ta reco c'est bien vérifier ce que tu regardes sur ouais, la télé. Ouais, faites travailler votre mémoire et votre cerveau et voilà quoi. Bon bah très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Merci. C'était trop vous. Bien de vous recevoir. L'amour c'est surcoté au cinéma depuis mercredi. Dans toutes les bonnes salles, j'adore cette phrase. Dans toutes vos bonnes salles de cinéma. Le spectacle qui continue jusqu'au 7 juin. Jusqu'au 7 juin. Des chroniques toujours sur Zoom. Tout à fait. Toujours. Tout à fait. Ils sont toujours un énorme régal. Quel mec, vous êtes adorable. Je sais que des fois je re-regarde des vieilles. Mais oui, ouais, moi, mais oui. Et comme l'algo est bien fait, il m'en remet après. Je me régale. Mais moi même, je le fais sur les persos. C'est genre quand j'en ai un, je me fais ah bah tiens, je vais me refaire tous les mêmes du perso. Tu me régales. Tu me régales, je peux pas dire. Et vraiment le. Celle avec Bruno Solo, c'est vraiment. Mais c'est un moment historique de radio, quoi. Mon seul regret, c'est qu'il ait pas suivi ta consigne de film ses réactions. Quand tu lui dis film bien ses réactions, ouais, il fait précisément l'inverse. Mais en fait, j'avais effet exprès de dire ne filme pas ses réactions. Ah, okay. J'avais trop peur qu'on le voit tétaniser, ce qui était le cas. J'avais en face de moi un mec qui prenait droite-gauche, bah, et qui était sonné. Et voilà, et je voulais pas. Parce que, non, pardon. Vas-y, ce que je voulais dire, c'est que en plus, quel régal que tu le fasses avec une casquette Floodcast sur la tête. Bien sûr. Quel plaisir. Évidemment. Là, franchement, j'étais obligé. Quelle grâce. Que c'est avec le personnage du beauf. Donc c'est raccord. Non, mais voilà, parfait. J'étais obligé. Voilà, trop bien. Régal. Bon allez, merci tout le monde. Il s'agissait du Floodcast. Pardon. First Team fait partie de la sélection Acast Recommande. Pour nous, c'est un peu comme si on était sélectionné au All-Star Game des podcasts. Sur First Team, vous pouvez écouter quotidiennement des émissions sur la NBA, l'équipe de France de basket, le championnat français, avec le ton First Team. Vos joueurs préférés sont aussi sur First Team lors de nos entretiens avec Tony Parker, Evan Fournier ou encore Nicolas Batou. Vous vous intéressez aussi à d'autres sports ? Pas de souci, vous êtes au bon endroit puisqu'ici, en plus du basket, nos podcasts Formule 1, football, rugby et bien d'autres sont disponibles toute l'année. Retrouvez-nous tout de suite sur votre appli de podcast préféré, Apple Podcasts, Spotify, Amazon, etc.